We could bathe in all the lights. Would you rise up? Come and meet me in the sky. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. In the name of love. C'est bon de vous entendre. Comment ça va le public? Moment de plaisir. Bon, ça peut se passer. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Julie, oui. Je n'ai qu'une question à te poser. Comment était ce week-end à mon cul? Ah, bah, magnifique. Parce que Julie était dans cette magnifique région de mon cul. Ah ouais, j'étais vraiment au fin fond de mon cul parce que je ne captais pas du tout. Non, mais c'est vrai, c'était une horreur. Ça capte pas dans mon cul. Ça ne capte pas dans mon cul. Réellement. Est-ce que t'en as profité pour prendre l'air de mon cul? Ouais, j'ai pris l'air de mon cul. C'était assez humide parce qu'il pleuvait. Ah. On fait toutes les fers si vous voulez. Mais en tout cas, c'était très sympa mon cul. Je connaissais pas du tout. Ouais, ouais. Les gens disent que mon cul est sympa. Ouais, ouais, ouais, mon cul est sympa. Ça roule bien ouais. Ou c'est bouché mon cul? Non, non, ça roule bien. Ça passe bien. D'accord. Non, tout, ça passe bien. Ça passe bien. Qui a laissé son téléphone? J'entends un téléphone qui sonne. Ah, bah, c'est bravo. Ton assistant réalisateur. Ah, ça démarre bien. Oui, parce que j'ai repris la console ce soir encore. Ouais. Ah, j'aime bien. Je commence à kiffer. J'aime bien ce moment-là. Bon, ce soir, qu'est-ce qu'on va écouter? On aura Zao, on aura du Lady Gaga, on aura Alonso, on aura Kenji, on aura Kinvé, on aura DJ Snake. J'aurai des infos de ouf. Je vais attendre la fin de l'émission, ah rien ouais. Pour vous faire chier. C'est des trucs de ouf. Pour vous annoncer les stars qui vont venir dans les semaines qui viennent. On ne sait plus où donner de la tête. Il faut qu'on lance un hashtag ce soir, qu'on va mettre en TT. Mais quand je vous dis des stars, c'est que déjà on vous habitue à du haut level. Mais là, ça va être un truc de malade. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme hashtag? Hashtag bah, toutes les stars sont chez Koé, mais non, si tu dis d'accord, les stars les plus ouf sont chez Koé. Non, c'est tout pourri, ça en dirait un truc pour une lessive. Non, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Y a qui vient chez Koé, un truc comme ça. Dis-nous, y a qui vient? Et ça, c'est pas un truc de lessive, ça. Y a qui vient? Non, tu verras jamais une lessive qui dira y a qui vient. Ça, jamais tu verras ça. Vas-y, Loris, vite, un truc intelligent. Merci, Loris. Pietre. C'est bien, y a qui vient, comme ça, les gens ils mettent leurs propositions. Mais y a qui vient chez Koé? Ça va, ça? Oui. Y'a qui vient? Ok, mais y'a qui vient chez Koé? Si vous nous le mettez en tête, je vous dirai y'a qui vient. Mais attention, quand je vous dis des grosses stars, c'est encore. Il y en a, vous êtes au courant. Il y en a déjà, vous savez qu'il y a Maître Gims qui vient demain. Jamais. Il y a Kungs qui vient mercredi. Ça, c'est bien, Kungs, j'aime bien. Ouais. Eh bien, lui, c'est mercredi. Mais ça fait pas encore partie des y'a qui vient. Il y aura Alonso qui vient dans quelques jours. Amir va passer nous dire un petit bonjour. Y'a Ken Jones, j'adore ça, j'adore ça. Ah, il y a ma femme qui est de retour. Et puis après, il y a qui vient? Et après, Mekoe, il y a qui vient? Ouais. Si vous ne le mettez en tété, je vous dirai, il y a qui vient? C'est du lourd de chez lourd, mes chéris. Vous allez même pas adorer, vous allez kiffer, vous allez faire comme les chiens qui se traînent le cul dans la pelouse. Vous allez faire pareil. Vous allez savoir qui c'est, vous allez vous mettre le cul par terre, vous allez avancer avec vos mains devant, comme ça, avec les fesses. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Avec Steph, on est en transe sur l'un des invités qui vient. Ouais, ça va, je vois qui. Me dites pas. On attend que ça. Calmez-vous maintenant. Double hit d'un moment à l'autre. L'iPhone 7 va peut-être tomber ce soir. Et je sens qu'il peut tomber ce soir. Dès que vous entendez 21 Pilot, c'est Nash, 6-11-12 par SMS. En mettant Koé au début de votre message, vous repartez avec l'iPhone 7. Et FIFA 17 aussi. Oh, en plus. Ouais, le jeu, ouais. C'est génial. Sur PS4. C'est bien. Et quand est-ce qu'on offrira la nouvelle PS4 qui va arriver dans pas longtemps? Quand est-ce qu'on va l'offrir? Ah, il y a une nouvelle PS4 qui arrive? Ouais, elle a tout tombé. Elle va arriver, ça va être une tuerie. Ce soir, je vous offrirai donc peut-être le double hit. Je vous expliquerai comment vous allez pouvoir gagner des box Société Générale de ouf, où vous mettez en gros, vous cochez ce que vous voulez mettre dedans. Ouais. Il y en a dans le public qui sont allés s'inscrire sur le site internet ou pas encore? Oh là, mais allez-y direct, il y a des dotations de folie. Mais des fois, si j'avais la main assez longue, je vous mettrais des beignes. Il y a la possibilité d'avoir ce que vous voulez dans une box. Et vas-y, mais dis-nous quoi, en gros. Il y a des voyages autour du monde, il y a des permis de conduire, il y a des MacBooks. Mais tu cumules en plus. Il y a tes études à l'étranger. Ouais, tu cumules. C'est pas qu'un truc, tu fais ton marché. Tu dis j'aimerais bien ça, et puis ça, et puis ça, et puis demain. Et toutes les semaines, il y aura des gagnants, je vais tirer au sort. Et demain, il y aura le premier. C'est ça. Et je vous donnerai la. Oh, je vous la donne tout de suite, on va gagner du temps. Vous allez sur boxallinclusive.com, seulement pour ceux qui parlent anglais. Ouais. Boxallinclusive.com. Vous allez vous inscrire dessus, vous cochez ce que vous voulez et vous aurez tout. C'est bien, non? Ah ouais. C'est mortel. Bon, tout à l'heure, je vous expliquerai comment vous allez pouvoir venir avec nous pour une émission spéciale au Parc Astérix, parce que nous allons retourner au Parc Astérix. Ce sera le 19 octobre. Oui, exact. Voilà, il y aura des gagnants VIP. Écoutez-nous ce soir, il y aura ceux qui vont pouvoir venir avec transport, hébergement, leur famille. Vous avez passer l'hôtel, deux vous jours avez au tout. Parc. Oh, mais qu'est-ce qu'on a dans cette émission de malade? Déjà, dans les qui vient, il y a Obélix qui vient du coup. C'est pas dedans. Je l'ai pas mis dedans. Alors, c'est quoi le TT exact, Loris? Meiaki qui vient chez Koé. C'était pas Meiaki qui vient? Moi j'ai mis Meiaki. Il sert à rien. Bah, mais le chef, il a dit ça. Le chef, il a dit Meiaki qui vient chez Koé. Ok. Bon, est-ce que vous nous le faites tourner sur Twitter, le Meiaki qui vient chez Koé? Vous nous le mettez en TT, on n'en parle plus. Bon, sinon, ce week-end, c'était bon, Julie? Oui, très bien. J'ai eu des tanasses encore avec mon scoot, hein, parce que j'arrive toujours pas à le récupérer avec l'assurance et tout, c'est galère. Du coup, je suis tout le temps très, à pied. Très intéressant, ouais, c'est génial. Cette information. Ouais, si on pouvait juste le régler, ce souci, est-ce que c'est moi qui la trimballe tous les jours en fait en scoot? Donc si elle peut faire un truc, ou avoir un scoot, ou passer son permis une bonne fois pour toutes à l'âge de 30 ans. Sur Société Générale, passer ton code. Bah oui, sur la box. Faudrait que je passe mon code déjà avant, les gars. Vas-y, va passer ton code. C'est une tanasse de taper mon code. J'ai passé trois fois, je l'ai pas eu. Je vais pas me remettre dedans. Tu l'as pas eu trois fois de suite. Ouais, mais je l'ai passé il y a 11 ans. Oh bah oui, il y avait déjà pas les feux rouges. Entre temps, ils ont inventé les stops, les feux rouges, des voitures. Tu imagines repasser le code là? J'arriverai pas. Mais si, faut le faire. Faut que je révise aussi, les gars. Attends. Je vais te d'arranger un. Bouge pas. Bon. Bah, faut que tu le passes. Toi aussi, faut que tu le passes aussi. Ah, tu l'as pas? Bah, attends. Si tu veux passer ton permis moto. Hein? Quand tu veux ton permis moto, toi, faut que tu repasses le code. Ah oui, c'est vrai. Et je te signale que tu l'as essayé aussi, tu l'as raté aussi. Et tu te fous de ma gueule après. Hein? T'avais fait 13 fautes. On est tous les deux dans la même galère. Vous avez décidé de me faire chier de. Mais qui vient chez Koé? Voilà. Vous me faites tourner cet été, on n'en parle plus. Je sais pas si vous avez vu, mais ça y est, Alicia Keys a décidé maintenant de ne plus se maquiller. Toutes les photos qu'elle fait, shooting photo, machin et tout, elle ne se maquille plus. C'est ouf, c'est Alicia Keys au naturel, c'est un truc de malade. Bon, ça va quand même, ça le fait. Elle est jolie quand même. Au naturel, c'est joli, j'ai du respect. Et j'ai même envie de dire que Julie, elle n'est pas prête de passer le cap. T'es salaud parce que je me maquille pas. Alors pourquoi à chaque fois qu'on a une séance photo, tu viens 3 heures avant? Non, dans 3 jours avant. Vous exagérez. Mais si elle avait le code, elle viendrait plus tôt. Voici ça haut sur Énergie. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne. Laissez-moi dans mon coin. Ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Eh, eh, eh, eh, parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'y tonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai, c'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mif. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les jacter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en jaillis. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Guéguette, il y a tout le public qui est là. Ça va le public? Ouais. Attention, c'est là qu'on va voir si le public du lundi est bon. Demain, on aura Maître Gim. Maître Gim sera notre invité demain. Et n'oubliez pas que je vais peut-être vous balancer tout à l'heure les stars qui seront avec nous. Hein. Ça va être une tuerie. Hein. Je vous dirai qui va peut-être venir. Pour ça, il y a le tweet. Oui. À mettre, c'est mais hashtag. Mais il y a qui vient. On est quoi? Alors, Koé saison 7, c'est déjà entêté sans le lancer, donc ça c'est magnifique. Mais plaît, Koé saison 7, tous les soirs. Tous les soirs, le week-end, samedi, dimanche. Même quand on n'est pas là, ils mettent Koé saison 7. C'est des ouf. C'est des ouf. Et j'attends l'autre. Mais il y a qui vient chez Koé? Et ça, ça arrive entêté, on me l'a dit là, ça arrive. Non, c'est pas encore. Allez, ça arrive. Vous nous mettez les deux entêté, vous êtes les champions du monde. Hashtag Koé saison 7, mais il y a qui entêté? Voilà, on a le temps. Vous avez compris ou pas? Mais il y a qui vient? Vous avez compris? Parce que j'ai pas compris. On fait un bisou à Océane. Bonjour ma chérie. Bonjour. Ça va ma belle? Oui, ça va et vous? Oui, ça va bien. T'habites où? À Metz. Mais c'est bien ça. La journée s'est passée comment? Bien, ça va. C'est pas très. Elle nous appelle pour un sujet pas très drôle, par contre, la puce. Ah. Non. Julie, j'étais. Attends, ouais, on était au taquet là, tout à l'heure. Ouais, il y a qui vient? J'étais comme un fou. On était là, on disait Maître, le public faisait Guy. Oui, ouais. Maître, vous allez voir qu'on va lui rendre un grand service, en tout cas, je l'espère. Vas-y, explique, Océane. En fait, j'ai ma maman qui est partie depuis mardi et comme elle écoute la radio, je voulais lui faire passer un message. Genre, elle est partie comme ça? Ouais. Sans donner de nouvelles? Je cherche une nouvelle. On n'a plus de nouvelles depuis mardi et tout. Ah, vous avez plus de nouvelles depuis mardi? Non, elle est partie, elle est jamais revenue. C'est chaud ça. Elle a laissé un message, elle a mis les enfants chez la voisine. Et quand le père est revenu, mais elle est partie pourquoi? Elle a dit quoi? Elle a dit je vais chercher du bain? Elle a dit je. Non, en fait, à la base, elle devait partir chez le docteur pour son dos. Et donc, elle n'est pas allée chez le docteur, elle est partie. Mais comment tu sais qu'elle n'est pas chez le docteur? Elle est pas revenue. On a appelé le père qui nous avait dit qu'elle n'était pas passée. Parce que peut-être sinon il y avait une longue file d'attente et puis à l'attente, puis mardi, il y avait très en retard. Mince. Oh là là. Et comment elle s'appelle, maman? Alexandra Guillaume. Et il paraît qu'elle nous écoute souvent, donc c'est pour ça qu'elle tenait à passer. Oh, Alexandra Guillaume, dis donc. Ça allait pas avec ton père? Je sais pas, moi. Mais le papa est à côté et il comprend pas non plus. Non, il est pas à côté. En fait, je suis dans ma chambre parce que j'ai une soeur et tout. Qu'est-ce que c'est que ça de partir à... Alors là, Alexandra Guillaume, je ne suis pas content du tout, hein, si tu m'écoutes. Hein. Parce que Stéphanie, elle a eu le papa tout à l'heure en ligne qui pleurait. Vous savez plus comment. Attendez, il est là. Qui, le papa? Oui. Oui, le papa, il est non, là. Non, le docteur. Ouais, je passe. Passe-moi le papa. Non, mais c'est bizarre cette histoire. Allô, oui. Allô. Comment ça va, monsieur? C'est quoi le prénom? Bon, c'est Jean-François. Ça va, Jean-François? Bon, pas terrible, hein. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Hey, Jean-François, là, on est entre nous, là, on est entre adultes, là. Bah... Vous vous engueuliez avant, là? C'est Non, on parlait de mariage la semaine dernière. Ah oui, Mais non. Elle a peut-être reçu la note du traiteur. Ouais. Ah, c'est cher! Mais il lui est rien arrivé, vous avez essayé de la contacter? Non, on a même fait des dépôts de plainte et tout. Allez, retourne les deux. Personne ne sait où elle est passée. Elle a pas chopé entre nous. Là. T'as pas fait de bêtises, hein, je veux dire. T'as pas. Non. Hein. Non. T'as pas non, fait non, un, non. les plus filles les plus chaudes de ta région. Et puis elle est tombée sur le truc, non? Mais non, mais il parlait mariage la semaine dernière. Mais peut-être qu'elle a eu peur, hein, du coup. Peut-être que c'est lui qui parlait mariage tout seul. Ah non, mais je veux dire, vous vous disiez genre je t'aime, des petites choses comme ça. Ah bah oui, j'ai plein de textos, même sur le message qu'elle m'a envoyé, qu'elle m'a laissé. Elle m'a dit, attendez deux secondes, juste, je vais chercher la lettre comme ça, je vous la lis. Ah oui, vas-y. Texto, lettre. Elle est peut-être partie faire un enterrement de jeune fille, qui est très long. Non, ambiance de folie. Éteins ta radio par contre derrière. Oui. Non, c'est bon, c'est parce que les enfants voulaient enregistrer. Ah d'accord. Donc voilà. Donc sur la lettre, c'est marqué mon bébé. J'ai besoin d'un break. Trop de choses à gérer. Ah voilà. Tu as acheté une voiture. Ah non, bah attends. Déjà, t'as une petite explication. Voilà. Mmh. Allez, c'est un petit mot. Une petite explication, mais pas de nouvelles du tout. Pas prendre de nouvelles des enfants, rien. C'est quand même trop bizarre. Même la police trouve ça bizarre. Ouais, mais bon, déjà, t'as l'explication du petit break. Ah, qu'elle va bien, en tout cas. C'est parce que si t'avais rien eu, genre aucun petit mot, et là, déjà, t'as l'explication que, bon, ah, elle a déjà voulu prendre un petit... Et c'est quoi, mon bébé? Je vais prendre un break, quoi? Voilà. Je reviendrai toute seule quand un jour me prendra. Ah ouais, ouais. Je reviendrai toute seule quand quoi? Quand un jour me prendra. Quand quoi? Voilà. Quand un jour, quand un jour me prendra. Quand elle aura envie, quoi. Voilà. Mais ça veut rien dire quand même. Bah, oui, mais enfin, on a compris exactement. Elle s'est perturbée. Elle s'est relue, elle est repartie. C'est moi qui écris ça, c'est pas français, je m'en vais. Et elle a laissé donc les deux dernières chez la voisine avec ses clés. Et mais elle est partie, après, d'un point de vue financier, elle est partie avec des cartes, avec ses papiers, avec la voiture. Juste sa carte d'identité. Non, elle a pas le permis, juste sa carte d'identité. Elle a un peu d'argent. Et je crois à 50 euros. Elle va pas aller loin à 50 euros. Non. Mais, elle a... mais c'est bizarre, franchement, Alexandra, si tu nous écoutes. Ah, bah, c'est-à-dire que oui, elle avait envie de faire un break, elle l'a dit. Mais... Oui, mais tu fais un break avec 50 euros, c'est un petit break. C'est un break ou nez. C'est un break Pékin Express au moins 1983. C'est un très vieux break à ce prix-là. Et puis, tu laisses pas tes enfants comme ça non plus. Non, mais tu laisses un petit mot. Bon, Alexandra, si tu m'écoutes, il y a un moment donné, tu veux faire un break avec ton mec, c'est une chose, mais pas avec tes enfants. Et appelle-nous sinon pour nous expliquer. Oui, 0870-4248. 0870, c'est 870 à côté. Oui, sinon ça rentre pas. 0870-4248, c'est gratuit, passe-toi un coup de fil. Mais puis il faut laisser un petit mot aux enfants, faut pas rester comme ça, sinon c'est inquiétude lente et bah tout. Bah ouais, Océane, elle est inquiète. Bah ils sont tous inquiets, ils se réveillent en pleine nuit en hurlant maman, t'es où voilà quoi. Normalement, c'est papa où t'es, mais là. Tu peux sortir prendre l'air, s'il te plaît, pour faire des vannes un petit peu plus tard, s'il te plaît. Hein? T'es casse-couille alors. Bon, je te fais un gros bisou, et puis si elle nous écoute, elle va revenir. On espère qu'elle va vous recontacter très vite. Mais elle va, ben oui. Et sinon, qu'elle nous contacte, nous. Mais au moins un petit mot aux enfants. Et genre, on fera les négociateurs, nous. Ouais, voilà. On sera entre les deux. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse fort. Merci. Tu nous tiens au courant. Repasse-moi la petite que je lui fasse un bisou. Elle est mignonne comme tout, Océane. Océane! Oui, allô? Oui, je te fais un gros bisou, ma petite chérie. Merci. Tiens-nous au courant. Ciao, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Mais oui. D'accord. Je te le signe, je t'embrasse fort. Merci. Et moi, le bisou qui claque, j'ai pas de bisou qui claque? Bisous. Ouais, ça va, il est bien celui-là. Elle est trop mignonne. Je t'embrasse, ma chérie, bonne soirée à toi, t'inquiète pas, on va tout gérer, d'accord? D'accord. Voici Lady Gaga sur Energy, restez avec nous. Mais il y a qui vient chez Koé? Je sais même plus ce que c'est le hashtag. Mais il y a qui vient chez Koé? Vous le mettez en TT, vous vous débrouillez. Je veux qu'on soit en Tête France. Precious taking its toll, stuck in the middle zone. I just want you alone. My guessing game is strong, way too real to be wrong. Défi Insta. Je voudrais quand même juste vous dire que pour l'instant, vous nous avez mis hashtag Coé saison 7 en TT. On ne l'a même pas demandé. Bravo. Et vous nous avez mis quelle position le Biélorusse ah bon, on est juste en dessous, on est 6ème. 6ème et TT France. Et il y a aussi. Mais il y a qui vient chez Coé. Et alors, il propose donc on a double TT. Ah ouais, ils sont collés, ils sont devant même le truc de Justin Bieber, Purpose, Parry, Popup. Mais non. Si les gens, ils écrivent Paris, c'est comme ça. C'est ça. T'arrives en TT, ça Paris, c'est pas. Et ils proposent qui alors? Ah, il y a du, il y a des gens qu'on a. Ah ouais. Ouais, j'ai vu passer. Ah, on peut pas le dire tout de suite. Du coup, moi je veux qu'on soit en premier. Non, je veux qu'on soit en 3 et 4. En 2 et 3. C'est quoi en premier? Non, on est en 5 et 6. Je veux qu'on soit en 3 et 4. Je veux qu'on soit dans les 5 premiers. Okay. Je veux qu'on soit en 5 premiers, c'est tout. Il y aura Kent Jones qui va venir dans quelques jours. Dans un instant, qu'est-ce qu'on fera? On aura du devine qui c'est, Julie. Ouais. On aura quoi d'autre? On aura ma mère la plus cool. On aura ma mère, c'est la plus cool. Ouais. Je vous lancerai le défi Insta dans un instant, aussi. D'accord? Vous allez le kiffer, ce défi Insta. On aura besoin de vous, mais cette info qui vient de sortir, il y a une info sexe. Écoutez-moi bien parce que cette info, elle m'a écœuré. Il y aurait dans le monde au moins 100 millions. Ouais. De relations sexuelles par jour. Oh wow. Ah ouais. 100 millions. Mais c'est un truc de dingue, 100 millions. Ça commence à faire, ouais. Vous imaginez? Ça fait beaucoup, ouais. Est-ce que vous imaginez, tous ensemble, les 100 millions, en même temps, ouais, au même endroit? Dans la même pièce. Une grande pièce. Ouais, c'est gros. Une grande chambre. Ça doit être bruyant. Ah oui, ça doit être bruyant. Je sais pas ce qui me gênerait le plus. Ça ou l'odeur? Parce que c'est moche. Restez avec nous dans un instant pour la suite. On aura du devine qui c'est. On est de retour sur Énergie. À tout de suite. 22h. Énergie. Guillaume. Attention, de quel bruit est le moteur que vous écoutez là? C'est un moteur de quoi? Tu penses que c'est quoi, toi? Une guitare électrique. Ah, mais est-ce que t'as vu Flo des canons? Parce que je fais de la guitare électrique aussi. Ah ouais, c'est excuse-nous, avec une pédale. On appelle ça une pédale wah-wah, je crois. Pédale wah-wah. Mais genre, y en a beaucoup des pédales wah-wah. Guillaume Radio 2.0. Ce soir, 22h. On NRG. 118-712.fr, annuaire de référence pour trouver un vétérinaire. 118-712.

drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from a fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Coyoteenergie.com pour être dans le public ou public@energie.com, c'est ça Julie? Oui, c'est ça. Et vous oui. serez comme notre public qui est là ce soir, beau, joli. Ils sont beaux, hein, ils sont frais ouais, ce soir. Attention, ils sont arrivés, ils étaient moches. Oui, ils ont passé la porte. Ils ont passé la porte. T'as vu? T'as vu, c'était, t'as fait ça aussi. En arrivant. Il y a un filtre direct. Il y a un filtre Snapchat. Ouais. D'un seul coup, tu sais le filtre embellissement qui te passe la moitié du visage, là, comme ça. T'as vu, hein, t'es d'accord? Ils sont arrivés, ils sont beaux. Et là, ils se sont ainsi. Oh, ils resplendissent. Mais vous, rassurez-vous, quand vous repartez, vous redonnez moche. Ah oui, dès que vous repassez la porte. Ce serait drôle. C'est terrible, c'est terrible. Ça va aller dans ce sens-là. Bon, en attendant, c'est le moment de lancer. On est toujours entêté ou pas? Mais on est en troisième position, donc on est obligé de le dire là, je crois. Ouais. 3 et 4 ou pas? Non, 3 et 5. 3 et 5. Ah, joli, mon frère. 3 et 5. Il y a plus de 4. Est-ce qu'on est en 3 et 5? On est en 3 et 5. T'as demandé le top 5. Je veux le top 5. Attends, 3 et 5. Regarde. Je veux la preuve à chaque fois. Bon, je vous en donne un. Ah, tu donnes un artiste? J'en donne un. Vas-y. Bon, attendez. J'en donne 3 et j'en donnerai encore 3 avant 22h que je vous ai jamais dit. Ah, ça fait beaucoup là. D'accord? Vas-y. On y va? Dans quelques jours avec nous. Il y aura MHD. Il y aura Alan Walker. T'aimes bien ça, c'est pour toi, c'est pour te faire plaisir. C'est pour toi, mon petit Pierre. Merci, mon coco. C'est pour toi que j'ai fait. On pense à toi, Pierre. Merci bien. Allez, je vous balance un gros déjà. Vas-y. Allez, le retour en événement ici, vous le verrez en public de Martin Garrix. Il a mis le feu la dernière fois. Et alors, les deux qui arrivent derrière, je vous le dis tout à l'heure, parce que sinon, ça va être trop d'émotions. Ouais. Grosse communauté, les deux. On va perdre les filles et les garçons. Énorme communauté. Pour les deux. C'est quand est-ce que viennent nous voir, en parlant de communauté et de mon nombre de gens sur Twitter et sur Facebook, quand est-ce que viennent nous voir Gad Elmaleh et Kev Adams? Mercredi prochain. Mercredi prochain, si vous les kiffez tous les deux, vous les aurez les deux en même temps. En même temps, et on aura Alvaro Soler aussi en même temps. Tout en même temps. Ouais, tout ça en même temps. Ça va être une émission de. Diffusée sur YouTube. Ça va être une émission de ouf. Et mercredi soir, notez bien, on fait l'émission ici en live. Et on finit à 22h, 22h30 en quart sur YouTube de chez moi, on finit l'émission de chez moi. Ouais. Et vous nous suivrez de YouTube, on vous balancera l'adresse. Oui, Laurie, c'est un mot intelligent. Oui, on me demande quand est-ce qu'on déjeune avec toi. Apparemment, t'as passé un cap. Ça fait beaucoup d'infos. Ouais, c'est beaucoup là, les gars. Laissez-moi vous remercier et vous applaudir par le biais du public. Vous êtes 2 300 000. À me suivre sur mon Twitter. Bravo. Donc bientôt on va lancer un déjeuner. On fait le truc à la maison. Ouais. Et on prendra les ouais, premiers. On laisse passer ça déjà. On prendra les premiers gagnants. En direct de chez toi. En direct de chez moi sur YouTube mercredi soir. Okay. Allez. Oh, que de choses dans cette émission. Allez, un devine qui c'est. J'ai le temps ou pas? Allez, une petite Jacqueline. Allez, on appelle de la Jacqueline. On lui dit juste devine qui c'est et après. Le rappel est actuellement en communication. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il fait des sonneries. Il est dans un sous-marin. Allô? Oui, allô. Allô, Jacqueline? Oui. Bonjour Jacqueline, devine qui c'est? Je reconnais pas vraiment. Hein? Attends. Oui. J'arrête la télé, je baisse la télé. Ah bah oui, parce que là. Elle est sourde. Parce qu'elle écoute, mais. T'as compris? Ta-da-ta-ta-ta, on dirait des trucs avec des trompettes. Voilà, bah oui. Ça y est, mais. Alors devine qui c'est? Non, je ne devine pas du tout. Oh, j'étais là, je me suis dit, tiens, je vais l'appeler pour lui dire un petit bonjour. Eh ben, c'est bien, mais je ne vois pas toujours qui c'est. Bah, je connais bien, hein. Ah ouais? Qui c'est, ça peut être qu'on connaît bien, qui t'appelle pour te dire un petit bonjour? C'est... Bah, je sais pas du tout. T'as pas d'idée? Du tout. Oh là là là là. Ah, oh, tu fais pas d'effort, hein.

Kenji sera notre invité dans quelques jours. Ah, il était pas dans la liste. Il est pas dans la liste. Ah, il est hors liste. Mais non, mais Kenji, c'est un copain. Ouais. C'est toujours un événement, mais c'est un copain. Ah ouais, ouais. Je vous mentirais si je vous dirais il y a un énorme événement et je vous dirais. Bah, c'est quand même Kenji. Oui, mais enfin, c'est notre pote. Oui, mais on l'a déjà eu. Enfin, voilà. C'est super, mais c'est pas un événement. D'accord. Mais c'est super. Ouais, j'avoue. Oh. Là, c'est les deux qui restent, on les a jamais eu. Et là, là les deux flaques là. Ah, ouais, il y a un des deux invités là, les deux nanas. D'ailleurs, sont... les gars, au niveau des happenings, on compte sur vous. Ah, mais c'est d'accord. Tu veux galoche? Ah ouais. Mais je te jure, alors, c'est la perte de. Vous allez vous calmer l'info là. J'ai balancé du sodo, ça va mal se passer hein. Mais je crois que c'est notre âge malheureusement. Calmez-vous maintenant. Demain, Maître Gims. Mais pour l'instant, on va lancer le défi Insta, c'est important. Oui. Le défi Insta de ce soir, nous allons décider seulement si vous le voulez, si on arrive à 8000 likes. Ouais. Si on arrive à 8000 likes, nous allons refaire donc un truc qui est un carton aux États-Unis qui s'appelle comment ? C'est très con. C'est hein. La nouvelle tendance en ce moment sur les chantiers. Ouais. C'est le Hat Challenge. Qu'est-ce que le Hat Challenge. Hat comme chapeau. Et Challenge comme challenge. Donc c'est le chapeau challenge. Donc le but c'est de retourner une pelle au sol. C'est con. Tu vois, la pelle, donc la pelle, il y a le manche qui est au sol et la pelle qui remonte un petit peu. Ouais. Et de mettre un casque de chantier au bout de la pelle, c'est-à-dire à l'extrémité là où il y a le manche. Et d'appuyer sur la pelle qui fait rebond et qui t'envoie le chapeau normalement vers toi. Et le but du jeu, c'est de te le mettre sur la tête. Le problème sur toutes les vidéos qu'on a vues, il n'y en a pas un qui arrive, ils se le mettent tout le temps dans la gueule et ça fait très mal. Surtout que le bâton, ça fait trop mal quoi. Et tu peux te prendre la pelle aussi. Et tu peux te prendre la pelle aussi. Loris, t'as mis la photo ? On la met. Allez sur mon Insta, Koé officiel. Sur quoi, Julie, il faut aller ? Sur Instagram. Instagram. Ouais, tu me dis mieux. Sur Instagram. Koé officiel, 8000 likes sur la photo et on a les casques, on a les pelles, on a des pansements. On a des pansements, ce que j'allais dire. Ouais. Ça va très bien se passer. Pour l'instant, qui veut épouser un membre de l'équipe ? On va faire un gros bisou à la petite Charlène qui a 18 ans. T'habites où, Charlène ? J'habite à Roubaix. Ça va, ma belle ? Ça va. C'était comment la journée à Roubaix ? Ça a été. Bon, j'ai hâte de venir vous voir pour le One Man. On va aller à Lille bientôt, on va aller dans le nord à Samer. On va aller dans plein d'endroits, puis dans le sud aussi, un peu partout. Mais voilà, j'ai hâte d'aller vous voir. Tu vas épouser quel membre de l'équipe ? À toi, quand même, bien sûr. Ah bah c'est obligé. Évidemment. Ça fait longtemps que tu l'as pas fait en plus. C'est vrai. C'était Guiguette la dernière fois. C'est vrai. Je vais donc on va surtout dire à ta mère qu'on est ensemble, d'accord ? Ouais. Tu vas lui dire qu'on s'est rencontrés où ? Je vais dire que je t'avais vu au Nergine Victor et qu'après on s'est revus et après voilà. Non mais bah attends, excuse-moi. C'est pas après voilà. C'est après, ça a été très chaud. Ouais. Ah bah si tu veux. Bah oui, si tu veux que ça gueule, si tu dis puis après voilà, elle va dire ouais t'as bu un verre. Non. T'as quel âge ? Allô ? T'as quel âge ? 18 ans elle a. T'es encore là ? Allô ? Allô ? Oui allô ? Allô ? Ah on l'a perdu. Les émetteurs les plus chauds de ta région t'attendent. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Tu l'as choqué. Allô ? Allô ? C'est le filtre parental. Attends, remets-la. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? J'ai tenu 5 heures la dernière fois. Allô ? Tu nous entends ou pas ? Charlène ? Bon, rappelle-la. Ta grosse joue a appuyé sur le mute. Allô ? Allô ? C'est possible. On la rappelle ? Ouais. On va la rappeler parce que là, ça arrive des fois, ça m'est arrivé tout à l'heure. Avec ta joue, ça a tu fais pas attention avec ton iPhone et hop, tu mets en. C'est-à-dire que. Ouais, mais t'entends plus les gens ? Il t'entend plus. Allô ? Allô ? Ça a coupé ! Bah non, t'étais là ! Nous, on t'entendait, allez, on appelle ta mère, d'accord ? Ok. Et à la fin, j'arriverai au téléphone, je serai un gros con fini. Et on verra comment elle réagit. C'est là qu'elle dit, sois naturel. Enfin. Allô maman ? Ouais, c'est moi. Bah t'es un inconnu. Bah ouais, je sais, c'est pas mon téléphone, merde là, depuis tout à l'heure. Ouais. Quand je t'avais appelé, déjà ça sonnait pas et tout. Ça va ? Ouais. Bah en fait, je voulais dire quelque chose, mais j'espère que ta réaction quand même. Elle court encore ? Bah non, arrête, crie pas. Hein. T'es enceinte ? Hein ? T'es enceinte ? Non, enfin, en fait, bon, si je te dis, d'ailleurs, tu dis pas à Dani, parce que depuis hier, je suis passée d'Annie. J'ai une copine. Hein ? Non, je suis un Romain indiqué sur ça, j'ai même une copine. Je dis, depuis hier, je suis passée d'Annie, en fait, parce que hier, déjà, Gellor, il m'avait appelé pour demander à appeler d'Annie. Et en fait, ben, je sais pas, chez lui, je suis partie avec quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr. Non, je te jure, c'est vrai. Maman. Mais ouais, surtout que Marie me l'aurait dit, Google. Non, mais c'est je te jure, c'est vrai. Et en fait, ben, il est fort connu et tout, et ben, en fait, ben, je suis avec et j'ai quitté Dani. Ouais, c'est bien, rigole. Non, c'est vrai, je te jure, c'est pas Dani, c'est la tête des petits. Ouais, ouais, bah, je te crois, de toute façon. Mais en fait, il est beaucoup plus vieux que moi. Ah ouais. C'est peut-être ouais. Ton père, non? Mais n'importe quoi, mais en fait, il est fort connu et tout, et si je le dis, ben, j'ai pas envie que tu me balances à tout le monde et tout. Mais ouais, foutons de ma gueule. Mais non, c'est vrai. Tu te rappelles quand j'étais à l'hôpital et tout, ben là, je l'avais revu, il était revenu me voir et tout. Ouais, c'est qui? Ben, c'est Koué. Qui? Ben, tu le connais pas aussi. Koué. Ben oui. Mais ta gueule, les connards. Mais non, c'est vrai. Ouais, c'est bien. Je te jure, non, mais je suis pas bien, je te jure, c'est vrai. Et il est beaucoup plus vieux que moi, et là, je suis avec. Ouais. Et, ben, et Marie, elle dit quoi? Mais non, elle est pas au courant, mais je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Ok, ouais, bah ouais, c'est que je fais quoi? Ben non, mais ouais. En fait, c'est beaucoup plus vieux que moi, en fait. Ouais. Ça s'entend, non? Hein? Ça s'entend? Non, il y a 40 ans. Ah ouais, bah ça va. Ah, foutant pas de moi, mais je te jure, c'est vrai, je suis pas bien, je suis mal. Ouais, ouais, bah ouais, c'est vrai. Dani, crois que je sais pas, pas. Oui, ouais, bien sûr. Bah si, c'est vrai, maman. Ah ouais, bah pourquoi tu m'as appelé en cachette, parce que Dani partait à 19h? Bah parce que sinon, j'avais peur que tu dises à Marie que j'étais pas chez papa et tout ça. Ah ouais, c'est ça. Allô? Ouais, ouais, je te crois, bah ouais, t'es... Hey, t'es en ligne avec qui, là? Ben, putain de merde. Ah putain, tu l'as dit à ta mère. Oh là là, quel boulet. Fallait pas le dire, je t'ai dit. Ben, j'étais bien obligée. Ah là là, passe-la moi. Ben, allô, je te le passe, ouais. Maman. Allô. Non, merci, Charlène. Allô. Pourquoi oui. Non, merci. Pourquoi non, merci? Parce que bah, t'as vu la chance que t'as de me parler. Il y a des millions de gens qui veulent me parler tous les soirs. T'as la chance de me parler. Tu dis non, merci. Ah oh, oui, très mort de rire. Bon, tu sais qui je suis? Non. Ah, je m'appelle Koé. Mort de rire. Bah quoi, mort okay. De rire. Ouais. Bah voilà. Mais maman, c'est Koé de ah, la radio. Hey, oh, tais-toi, toi, je parle à ta mère. Oh, tu parles quand je parle, quand je te dis de parler, d'accord? Mais il est malade ou quoi, lui? Il est normal ou quoi? Attends, attends, je te parle pas à toi, je parle à ta fille. Tu parles quand non, je mais te mais parle. Mais non, maman. Non, tu te tais, arrête, tu te tais. Mais... Tu te tais, Charlène, d'accord? Pas possible, ça. Oui, maître. Allez, bon, je te laisse, salut. Allô? Oh. Mais non. Sandra? Oh merde, ta mère l'a mal pris. Alors, c'est le 8 mètres. Elle a raison de trop. Rappelez-moi maman. Mais alors rappelez-moi pourquoi maman. 8 mètres? Mais 8 mètres, un peu exagéré. Soumission là. Ouais, ça c'est fait stouff. Dans 50 nuances degrés, tu sais. Eh, oui, 8 mètres. C'est le 50 nuances plus sombre. Ah oui, c'est ça. C'est un travail à votre standard. Ouais. On a regardé le trailer avant de l'émission. Calmez-vous. Ouais, calmez-vous, c'est du cinéma. Ouais. Eh, pourquoi tu raccroches? Ah, c'est bon, j'ai autre chose à faire, ok. Mais enfin, je suis une vedette américaine, c'est qui je suis moi? Je connais Justin Bieber, je connais tout le monde. Ah, la maman, elle m'a pas. Non, mais laisse tomber, elle me laisse pas finir. Elle non, veut pas te finir. Parler, c'est étonnant. Il y a eu un très beau connasse. Hein quel c'est connasse. Connasse. Elle a dit quel connasse. On y retourne vite fait, vite fait, vite fait. Qu'est-ce qu'on écoutera après, Kenji? Bon, je vais peut-être y aller moins hard. Ouais. Pourvu qu'elle décroche. Ah oui, je suis d'accord. C'est étonnant. Ah bah, ça sonne même plus. Ah bah non, bah, je prends le téléphone. Merde, c'était mais inquiétant quand t'as dit je suis avec un mec plus vieux, c'est ton père. C'est inquiétant. Du coup, elle est déçue que ce soit toi. C'est inquiétant. Mais elle a pas capté, elle croit pas que c'est toi en fait. Non, je crois qu'elle y non, croit elle pas. Fait... Mais parce que t'as pas assez dit que c'était moi. Ah si, elle l'a dit. Si, si, si. Allô. Ouais. Ouais, salut, c'est Koé à l'appareil. Pas c'est toi, maman. C'est qui là? C'est qui parle? Moi, c'est Koé sur Énergie. Roman, passe-moi maman. Roman, passe-moi ta mère. C'est important. Et... D'abord, tu dis c'est qui parle. Moi, je m'appelle Koé. Eh oui, sur Énergie, tous les soirs. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? C'est Charlène. Non, moi, c'est Koé. S'écrit pas pareil. Tu sais qui je suis? Celui qui parle la ferme. Oh. Non, toi, oh là là, comment tu fais clasher? Il a dit celui qui parle la ferme. Charlène. Mais moi, c'est Koé. Passe-moi ta mère. Allez. Non, je prends le train, je vais à Roubaix. Oh là là. La foule. Pas du tout. Ça n'a pas marché. Hein. Ah bah non, non. Ça n'a pas marché. Tant pis. On rappelle encore une fois. Ah si, rappelle vite. C'est quoi son prénom? C'est quoi son prénom à lui? Charlène. Vous êtes tellement nombreux, c'est ouais. C'est quel numéro? Allô? Allô? Allô? Bah, ça décroche, mais ça parle plus. Allô? Il pense pas que c'est toi? Ah, je sais pas, il pense pas toujours. Il pense que allô, c'est une blague. À quelqu'un? Allume ta radio, tu verras. À quelqu'un une fois? À quelqu'un deux fois? S'il y a quelqu'un, personne trois fois, on perd le. Qu'est-ce qu'il y avait à gagner, Julie? On perd un iPad. Ah, surtout eux. Allez, nous on le garde. Eh oui. À quelqu'un trois fois? Allô? Ah! Oui! Ah bah ça, bah là, là. Ah, comme par hasard. Ah. Comme par hasard. On a ton iPad, on parle. Ça y est, je sais que je peux acheter la famille avec des iPads, ça y est, c'est réglé. J'ai tué quelqu'un, salaud! Oui, mais j'ai un iPad, hein, ça va, ça va, ça va, alors ça va. Ouais, maman, j'ai gagné mon iPad, c'est quand qui arrive? Maman, c'est quand qui arrive? Non, mais déjà, faut être sympa hein, avant d'avoir l'iPad. C'est quand qui arrive? C'est quand qui arrive? On va faire était... marcher après aussi. Hein. On était bien avec ouais. Le VIC. Allez, vas-y, je suis occupé, alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Raccroche pas, maman. T'es en train de manger, tu peux reposer la fourchette. On est numéro 1 dans toute la France, on se parle tranquillement, on est sur énergie. Hein? Quoi? Mais s'il arrêtait de brailler aussi le truc à côté, là, depuis tout à l'heure, je me disais, moi. Je suis en train de faire ma vaisselle, moi je vais manger. Hein. Bon, tu manges ou tu fais la vaisselle? Les deux. Bah, mange pas la vaisselle. Pas. Bon, moi allez, je. Vas-y. Mais je vais m'engueuler. Ah non, mais on est sur énergie dans toute la France et moi c'était Coé, d'accord? Et elle... tout le monde t'écoute. Et elle sort avec personne. Et tout le monde t'écoute et ne mange pas les assiettes. Tout le monde t'écoute à la radio. Mais elle est fatiguée ouais, dans cette famille. Bien. D'accord, allez. Ah bah elle est sympa la mère. Elle m'a fatiguée, elle m'a fatiguée, elle m'a fatiguée. Je vous fais des bisous. Ouais, moi aussi. Ouais, bisous. C'est ça. Ouais, ça. Mange du pec citron, tu seras bien. Allez, bienvenue sur énergie. Voici Kenji avec nous dans quelques jours. Ouais. Bon, on lui offre un cadeau à Sandra. Bah oui. Ah là, il lui offre un cadeau. 0870 40 42 48. Passez-nous un petit coup. Fil. On est là jusqu'à 22h. El cielo me lo regaló. Me sigue noche y día. En la sombra me llega el sol. Mi fuerza, mi sonrisa. Aquí te lo regalo yo. Comparte una sonrisa. Vivo al mundo, le das tu sabor. Mi fuerza, mi sonrisa. El cielo me lo regaló. Me sigue noche y día. En la sombra me llega el sol. Mi fuerza, mi sonrisa. Aquí te lo regalo yo. Comparte una sonrisa. Vivo al mundo, le das tu sabor. Sonríe a la vida. Mis ojos son mi ventana. Mi corazón abierto. Mi voz que te llama, amigo mío. Apúrate. Con los hermanos es más alegre. Cuando los días son duros, con una sonrisa se quebran los muros. Mi cariño, acércate, un secreto voy a contarte. Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol. Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo yo. Comparte una sonrisa, vivo al mundo, le das tu sabor. Sonríe a la vida. Me muevo con el viento, mi voz que te llama. Amigo, apúrate con tu sonrisa y tu fe. Abre tus ojos oscuros, con una sonrisa se quiebran los muros. Mi cariño, acércate, un secreto voy a contarte. Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol. Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo yo. On est en top, en deuxième position des TT France. Oui. Deuxième position ouais. Des TT. Et le hashtag Coé saison 7, ça cartonne ce soir, ça fait plaisir de vous retrouver. Je vous fais des bisous, bougez pas, on revient dans deux minutes. Énergie.

Étudiants, apprentis, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all-inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger, à vous d'imaginer votre box all-inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000 euros. Une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016. Règlement sur le site. All-inclusive égale tout compris. Forfait mobile, 2 euros de free. C'est 2 heures d'appel. Les SMS et MMS illimités. 50 mégaoctets d'internet en 4G. Le tout sans engagement. Et même 0 euros par mois si vous êtes abonné Freebox. Difficile de faire moins cher. Merci Free. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Kit main libre recommandé, alors mets-le. Assume ton kit main libre. Il sera 20h, j'espère que tout va bien. On est en double TT ce soir avec le hashtag Koé saison 7. Et en deuxième ou troisième position, ça se bat, hein, pour le Meiyaki qui vient chez Koé. Ouais. Alors, je vous ai déjà dit dans les Meiyaki qui vient chez Koé, je vous en ai donné un ou deux. Ah si, je vous l'ai dit. Je vous ai dit, il y aura Kenji. MHD, il y aura Martin Garrix. Demain, vous le savez, demain, il y aura Maître Gims. Ouais. Jordan 1 ou pas encore? J'attends un tout petit peu. T'as envie de dire. Il y aura Alan Walker qui va venir. Ah, il y en a encore deux gros énormes. Hein. Si vous nous laissez entêter avec le hashtag Miyaki qui vient chez Koé, je vous le dirai. On aura Kungs qui vient mercredi. Je crois qu'on n'aura plus de boîte mail après ton annonce en fait. Je suis en train de le dire. Alors, je peux vous dire qu'à mon avis, les deux stars. Et à mon avis, là je crois qu'on peut se le dire. Ouais. Il y a pour les filles. Oui. Pour les garçons, hommes. Ouais. Et pour les gays. Et pour les gays, ce que j'allais dire. Il y en a pour tout le monde. Non, mais je crois que toutes les sexualités réunies vont kiffer les invités qui arrivent. Alors faisons un petit tour du côté de ceux qui sont dans le public. D'après vous, il va y avoir qui va passer? Petit sondage rapide. Selena Gomez. D'accord, je note, Selena Gomez. Je ne dis rien, regardez mon visage imperturbable. Comme ça, on y va. Nicki Minaj. Mais pourquoi pas, pourquoi les pas. Fans rentrent-elles dans le studio? On ne sait pas. Dans le fauteuil surtout. Mais on verra bien. Je note Nicki Minaj. 21 Pilots. Ah ouais, pourquoi pas. Je ne pas con. Ariana Grande. Moi je dirais Claude François. Ça c'est chez Nostalgie, hein. Claude François. Je note, mais je te le garantis pas. Celui-là, il est sous la douche, il arrive. Mais il nous a dit qu'il avait un petit problème technique. Mais il arrive. Il a une ampoule. Florida. Ah, pas con. Ouais. Mais non. Non. C'est plus lourd. Usher. Ah, c'est bien, vous êtes creusé la tête là. On a déjà reçu Usher. Bah oui. Oui, mais c'est des gens. Enfin, c'est deux. Ah non, il y en a un qu'on a déjà reçu. Ouais, mais non. Julie, n'embrouille pas, Julie, s'il te plaît. N'embrouille pas. Qui d'autre? Non, Lady Gaga. Je note, Quoi d'autre? Justin. Attends, elle est lourde, Justin Bieber. Ok, là, on est dans du lourd. Là, on attaque les lourds. Là, c'est du comme ça qu'il nous faut. C'est ça, là, c'est oui. J'en sais rien. J'en sais rien, chanteur pour vieilles. Drake. Ah, c'est très bien, ouais, ça. Pas mal. Et enfin, un petit dernier. Rihanna. Là, vous nous avez sorti des lourds de chez vous. Mais c'est du niveau, là. Ok, je note. N'oubliez pas que vous allez pouvoir gagner un cadeau de ouf. Hein. C'est ce qui tombe cette semaine, toutes les semaines. Ouais. Vous allez, grâce à la Société Générale, d'avoir des box all-inclusive. Ça veut dire que vous allez pouvoir aller vous inscrire sur boxallinclusive.com. C'est ça. Vous cochez ce que vous voulez. Demain, je vous en offre une. Toutes les semaines, je vous en offre une. Tous les mardis, ouais. Et on va vous l'offrir, en vrai. On va vous l'amener. Hein. Oui, on vous l'amène chez vous. Et vous choisissez ce qu'il y a dedans. Il y a jusqu'à 16 000 euros de cadeaux dans chaque box. Dans chaque box, ouais. Ça va du permis de conduire à la console en passant par des moyens de transport. Il y a des tours du monde, il y a des un an de soirée, il y a un an de course aussi, il y a vos études à l'étranger, il y a énormément de choses. Je kiffe tout ça. On fait un bisou à. C'est qui? Comment il s'appelle? Bonjour, qui es-tu? Mathieu. Salut Koé, salut. Ça va Mathieu? Faisons un petit point Insta, 2 secondes. J'ai dit qu'à 8000 likes, on faisait le hat challenge où on se prend des casques dans la gueule. On est à 3000 likes. Allez me liker tout ça et on n'en parle plus. Pour l'instant, Mathieu, de quoi on parle dans un instant? T'as 17 ans, tu nous envoies un message, tu me dis je suis gay. Et j'ai un rendez-vous avec un mec, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai un rendez-vous mercredi avec un mec, c'est la première fois que je le vois et j'ai peur de ne pas savoir quoi dire ou peur d'un blanc pendant que. Aïe. Le flip du premier rendez-vous. On en parle dans un instant, mon pote. D'accord? Tu restes avec nous? Ne bouge surtout pas. Tu l'as jamais vu en vrai? Non, jamais. Bon, voici celui qu'il te faut. C'est la chanson de Kinvey, mais pour toi. Voilà. Il est notre invité dans quelques jours, Kinvey. On est lundi et en double TT ce soir. Merci la France! La Belgique, la Suisse et le monde! J'ai foi en l'avenir de depuis que je t'ai trouvé. J'ai tant de choses à dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance. Si seulement tu m'accordais au moins une chance. J'aimerais faire ce rêve une réalité. J'ai peut-être mes défauts, mais j'ai mes qualités. J'aimerais t'en savoir ce que tu penses. Même si à mes yeux c'est une évidence. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, oh baby. T'es là mon sourire. Je ferai en sorte que tes peines soient qu'un souvenir. Après le bonheur tu n'auras plus à courir. Car auprès de toi je le ferai venir. Si toi et moi font nous, on fera des jaloux. Mais je suis prêt à prendre le risque. Ton autre amour est plus fort que tout, yeah. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Dis-lui, je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, baby. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première. Et revenait pour une 7e saison sur Énergie, ils ont dit... Ah non, on est mal. Oh, on est mal. On est très mal. Koé, 19h-22h sur Énergie. C'est là que ça se passe tous les soirs. Merci d'être avec nous. Allez faire un tour. Vous êtes 2 300 000 sur mon Twitter. On a passé le cap hier. Ouais. 2 300 000 à me follow. Et donc, on va organiser la semaine prochaine. On va organiser un déjeuner pour manger avec nous. Non, mais la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. On va sélectionner. Mercredi, émission 19h-22h sur Énergie normale. Oui. 22h, je rentre à la maison avec l'équipe. Et on fait des airsup, quoi. Un live YouTube. Ouais. Ah, ça y est, on va demander du pognon. Ouais. Je fais un live YouTube en direct de chez moi. Donc, on vous donnera l'adresse. On non, fera un cacolac, Samira. On fera un YouTube live et vous suivrez tout ça. Il y en a dans le frigo. Oui, je sais, c'est pour ça. Donc, il n'y a que toi qui les bois, ces merdes. Ça existe encore. J'en ai ressorti de 82. Ouais, c'est ça. Elle les boit, elle me regarde avec le sourire, elle me dit ils sont bons. Je dis oui, ils sont bons. Ah, donc, ouais, c'est où les toilettes? Ah, direct, elle, chez moi, elle fait frigo, chiotte. Elle se demande pourquoi. C'est dégoûtant. Bon, en tout cas, ce sera là et je vous offrirai les premiers gagnants qui mangeront avec nous pendant le YouTube Live. Ouais. C'est bon ça, non? Ouais. Guéguette, sur Insta, où en sommes-nous? On est à 3500 likes. C'est bon, dépêchez-vous quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est un peu long. Dépêchez-vous quand même. En même temps, j'ai pas vraiment envie de le faire, donc bon. N'oubliez pas que dans quelques jours, il y a Ken Jones. On a Kenji et Ken Jones. Et alors, il y a les stars qui vont. On a Kev Adams et Gad aussi. Il y a Kev Adams, il y a Gad Elmaleh qui va être avec nous ces semaines prochaines, dans quelques jours. Oui, avec Alvaro Soler. Et je vous annonce encore des grosses stars qui vont débouler dans les jours qui viennent. Je vous l'ai dit, si on continue d'être entêté avec hashtag, mais il y a qui vient chez Koé. Oui. Je vous les dirai, vous allez kiffer. Tu balances à quelle heure alors? Je balance dans pas longtemps. D'accord. N'oubliez pas qu'il y a le double hit ce soir. Nash, enchaîné avec. C'est qui? 21 Pilot. Je le vois plus, mon 21 Pilot. Ah. Il est où? Où tu m'as mis, mon 21 Pilot? Tu m'as dit oui. Comment? Tu m'as dit oui pour l'enlever. Je te l'ai dit oui pour l'enlever. Mais c'est le double hit! Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ça! Je rigole! Parce qu'il j'ai dit ça moi! Non, je sais est-ce pas. Est-ce que t'as eu un mot de moi? Non, c'est bon. En disant que tu enlèves 21 Pilot. Non, je rigole. Je m'en vais. Moi, je l'ai dit! Fais gaffe, il va te snapper. Bon, ouais, parce que bah, pour l'instant, chante-moi 21 Pilot. Ah la colle! Oh là là! Oh, le rire gêné que tu viens de faire. Bon, en même temps, on a tellement d'invités que c'est vrai qu'il n'y a plus de place. Dès que vous entendez le double hit, vous avez l'iPhone 7 qui peut tomber pour l'instant. On refait gros bisous à Mathieu. Comment ? Et FIFA 17. Et FIFA 17, enfin. C'est important quand même. Oui, c'est important. Ah, c'est tout le monde le veut 7. En ce moment. T'as déjà vu un mec qui va dire je voudrais FIFA 17 ? Oui, on t'offre l'iPhone 7. Non, je m'en branle. Non, je voulais juste l'iPhone 7, vraiment. Bon, on fait un gros bisou à notre copain qui est là depuis. Mathieu. Tout à l'heure. Il attend. Ça va, Mathieu ? Premier rendez-vous gay. Mathieu, tu es donc gay. Ouais, c'est ça. Oui, parce que si tu fais un rendez-vous gay alors que tu ne l'es pas, c'est double par curiosité. Oui. Écoutez, je suis curieux. Il est bien curieux. Voilà. Non, en attendant, donc tu l'as rencontré comment le jeune homme ? Tu l'as vu où ? Sur Snapchat, je l'ai rencontré. D'accord. Ah, on peut faire des rencontres sur Snap ? Bah, toi, tu rencontres des bites tous les soirs sur Snap. Oui, c'est vrai. Julie, tous les soirs, ils font des présentations, ils font Zizi, Julie, Zizi. Je vais y aller voir. Voilà, renvoyez-lui parce que ça lui manque. Non. Et donc, t'as reçu d'abord son Zizi ou son visage ? Son visage. Ah, d'accord. Et t'as reçu son zizi aussi ? T'as reçu le zizi après ? Ouais. Et alors, qu'est-ce qui est mieux, le visage ou le zizi ? Bah, le visage. Ah, tu sais, des fois, il y en a, c'est comme les filles, il y a des fois, là, tu vois les poids de la poitrine, tu fais oh, oh. Et puis après, elle te dit, chambre à ma tête, ah. Je peux pas me rendez-vous juste avec la poitrine ? Tu sais quoi ? Reste chez toi, envoie-moi tes seins. Voilà. Oh, c'est dur. Et il est sympa ? Ouais, bah on a parlé et tout, il est sympa. Mais non, parce qu'il n'y a pas que le zizi. T'as l'air tendu un petit peu, c'est ton premier rendez-vous. Surtout ou... le zizi du copain qui est tendu. Pour du sérieux, c'est mon premier rendez-vous. Ouais. Ah, il y a eu du pas sérieux ? Bah ouais, j'ai déjà rencontré des mecs et tout, mais pas. Ah, c'est pas ta première expérience. Voilà, c'est pas ta première expérience, c'était ça la question. Ah, mais tu sais pas si c'est du sérieux. Tant que t'as pas rencontré la personne, tu sais pas si c'est sérieux. Ouais, mais bon, si on va vraiment se rencontrer, on va aller manger quelque part et on va être en face à face, quoi. Et alors, t'as peur de pas avoir de conversation ? Ouais, voilà, j'ai peur qu'il y ait un blanc ou qu'on sache pas quoi dire et tout, quoi. Est-ce que vous êtes envoyé beaucoup de snaps ? À part les zizi. Ouais. Beaucoup de zizi, ouais, c'est ce que j'ai dit. Non, mais est-ce que vous avez beaucoup discuté ? Ouais, on a discuté ça fait un moment qu'on a discuté. Non, tu veux rien dire du tout, ça. Mais t'es le premier à le dire que, du coup, quand tu connais très bien quelqu'un sur Facebook, Twitter et compagnie, que des fois tu te rends compte, t'as plus rien à te dire. Julie vient de recevoir un zizi. Ouais. C'est pas très beau, hein, je tiens à préciser. Mais t'es plutôt à l'aise dans le genre, toi. Julie, c'est pas Snapchat, c'est Snapzizi. Ouais, SnapTub. Ouais, pardon, quoi, tu disais, Pierre ? Ouais, je me demande s'il avait, il était plutôt à l'aise d'une manière générale ou si t'es quelqu'un de coincé. Parce que souvent, les gens, derrière un ordinateur ou derrière un téléphone, il n'y a plus personne de coincé, tu dis ce que tu veux. Ouais. Après, dans la vraie vie, c'est pas forcément évident. Mais vous avez bien des sujets en commun, des passions, des choses sur lesquelles vous pouvez discuter quand même. Ouais, le zizi. Ah, j'ai un zizi de Beauvais. Ouais, bah après, je pense qu'on peut trouver, mais j'ai peur peut-être qu'il y ait toujours un blanc un moment et tout que. Dès qu'il y a un blanc, tu dis, c'est un snap, et tu lances les filtres sur Snapchat pour rigoler. Mais il n'y aura pas de blanc. Moi, mais je suis sûr. T'as peur qu'il y ait un blanc, moi, en fait. Je pense que ça va être un bah, comme dans un rendez-vous, n'importe qui, que ce soit hétéro, gay ou machin, un premier rendez-vous, t'as toujours peur de rien avoir à te dire. Tu peux avoir un sentiment de malaise quand la personne, tu l'as vue sur Snap, tu l'as trouvée jolie, tu l'as trouvée bien, et à un moment donné, tu la vois et tu fais, oh, elle est moins bien qu'en Snap. Et pendant que tu dis, elle est moins bien qu'en Snap, tu fais, ah, elle est moche carrément. Mais même juste avec l'émotion. Avec l'émotion, si tu perds tes moyens, tu peux vite partir dans des trucs à raconter de la merde, des trucs, à parler du beau temps, à parler. Oh, t'as vu, il pleut en ce moment. Là, déjà, là, tu sais que c'est ridicule, quoi. Ah, mais s'il pleut en ce moment, on entend le dire. Oui. Ouais, t'as vu, il pleut en ce moment. Ça, c'est une phrase d'introduction. Il n'osera même plus le dire. Ouais. Le mec, il va arriver à dire il pleut en ce moment. Non, je ne faut pas que je le dise, c'est ringard. Mais te prends pas la tête, vas-y, cool. En plus, tu vois la tête qu'il a, si tu le trouves beau, vous allez voir. Il connaît son zizi, donc bon. Ah, bah, ça fait pas tout. T'imagines le premier sujet. Ouais. Bon, bah alors, on débrief sur le. Il a vu le tien, vous avez fait un concours. Ouais, bah oui. Bon, enfin, alors on n'a pas fait de concours, mais. Vous vous plaisez mutuellement au niveau du zizi ? Attends, il va être où votre premier rendez-vous ? Bah, je sais pas encore, on va manger quelque part. C'est important ça, parce que ça peut aider pour si t'es au ciné ou dans une brasserie. Ou... Et vous vous êtes dit qu'après vous allez coucher ensemble direct ? Non. Non. Ah bon, non, si c'est le cas, mangez léger. Hein. Ouais. Pas une choucroute, un truc comme ça. Mais tu cherches un plan sérieux ou un plan pour t'amuser ? Non, justement, je cherche un plan sérieux, c'est pour ça. Ah, d'accord, c'est pour ça que tu stresses. Mais ce qui est bien quand t'es gay, c'est que tu peux te faire des combats de sabre laser, zizi. Tu crois qu'ils font ça ? Vous êtes sérieux là ? Tu crois vraiment qu'il y a des mecs qui se mettent face à face et font. Mais attends, je suis ton père. Ils font des capotes fluo, tu sais, tu t'en mets une rose et une jaune et dans le noir et piou. Tiens, on devient gay juste de nous, ça sert à combat. Ouais, on va faire ça, kéké. Mais moi, je peux regarder, ça m'amuse. Viens, on devient gay 5 minutes. Juste pour faire le combat, après on devient hétéro. Mais c'est sérieux. Moi ça m'amuse. Je vois ça. Ça doit être marrant. Est-ce que quand ils se touchent, ça fait ça ? Oui, avec les préservatifs fluorescents, la phosphorescence. Mais ça marche pas. Pourquoi ? Pourquoi ça marche pas à ce point-là. Mais si, tu le mets sous la lumière. T'en as des verts et des rouges. Tu le mets sous la lumière. Je peux jouer avec vous. D'accord. Je pourrais essayer pour voir. Allez. C'est anonyme. Bon, oui. Je fais ça dans le YouTube. Noir. On est dans le noir. On fait ça anonyme. Mercredi soir. Mercredi soir, oui, on fait combat de sabre laser Zizi. Je suis contente, moi. Et le premier qui dit je suis ton père, ça va me calmer directement. Non, non, non. Bon, allez, on te fait un gros bisou. Ça va bien se passer, Mathieu. Ouais, merci, bisous. D'accord, viens quand même avec des préservatifs fluo. On sait jamais. Ça va être une conversation. D'accord, pour faire un Beat Wars. Voilà. Ouais. Un Beat Wars. Okay. Je te fais un gros bisou, mon gars. Je t'embrasse fort. Salut. Bisous, portez-vous bien. Dans un instant, ma mère est la plus cool. Il y aura un combat juste après DJ Snake et Justin Bieber sur Énergie. Merci d'être là. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Titre de 21 Pilots. 6-11-12 par SMS. FIFA 7, comme dirait Julie. Et 17, l'iPhone 17. 17. Et l'iPhone 7. C'est vrai que si on vous offre FIFA 7, vous allez jouer avec une mère. Il est vieux. Avec des joueurs morts. Donc, et FIFA 17 et l'iPhone 7, par contre. 6-11-12 par SMS, dès que vous entendez le double hit. Et à mon avis, ça va tomber ce soir. Tout va bien au niveau de l'équipe ? Ouais. On en est où au niveau du nombre de likes sur mon Insta, courrier officiel ? Toujours 4600 likes. Ah, ça monte bien. Et il faut 8000, hein. Doucement, mais sûrement. Les amis, une heure et demie, il nous reste. Là, en 30 minutes, on a eu 4600. Ça devrait aller. Arrête de me répondre, espèce d'effronté. Mais c'est pour te dire que ça monte. Oh, tu es effronté. Hashtag, mais il y a qui vient chez Koé sur Twitter. Si vous nous laissez entêter, à 20h30, je vous donne les deux. Je ne vais pas attendre 22h. Oh, t'arrives pas à garder les surprises, non, toi. Non, parce que je vais vous le dire plus tôt, parce que je veux que vous buzziez sur les réseaux sociaux. À 20h30, je vous dirai les grandes stars. Pour faire un troisième et un quatrième TD. Mais je veux que vous. Je veux que vous me mettiez toujours très haut le hashtag Meyaki qui vient chez Koé. C'est toujours entêté ? C'est toujours entêté, ça reste. Ah, je le vois cette fois. Ouais, c'est excellent. Mais vous allez kiffer les stars qui vont venir, je vous le dis, vous allez kiffer. Déjà, moi je suis content, il y a Alan Walker qui va venir. C'est énorme, ça. Alors, on fait un gros bisou pour le maman, c'est la plus cool. Je voudrais qu'on embrasse une jeune fille qui est au téléphone qui s'appelle Sarah. Ça va, Sarah ? Non, ça c'est la maman que tu vas appeler. Mais appelle la maman, c'est pas grave. Non. Qu'est-ce que t'as fait ? Oh là là, Mathieu. Oh, tribunal populaire. Tribunal populaire pour foutre tes mains à ton cul. Ouais. D'accord ? Et tu feras l'avion. C'est moi qui te le dis. Il est pour toi. Maman, Sarah, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Titu. Comment ? Hein ? Ticu. Ticu ? Oui. Ticu. Ticu, bon, votre oui. Ticu, non. Non, mais elle s'appelle pas Ticu. Titu. Ah, Titu. Titu. Elle est Titu. J'ai dit, trouve tri Titu. J'ai été dit les choses, tu ne les fais pas. Titu. C'est de quelle origine, Titu ? C'est vietnamien. Oh, dis donc. Et c'est qui ? Ah, c'est ta maman, on a la photo de la maman. D'accord, très bien. Mais face à toi, Mathieu, qui va essayer de nous montrer que sa mère est la plus cool. Ah, bah d'ailleurs, attends, elle est en ligne, Titu. Titu ? Non. Elle est pas en ligne ? Ah bah on va appeler Titu tout de suite. On appelle Titu. On va lui dire bonjour. Pendant ce temps-là, on fait un bisou à Mathieu. Mathieu, t'es là ? Mathieu, ouais, ne bouge pas mon pote. On appelle Titu et après on appellera ta mère. Ok. Attends, je vais appeler Titu. Allô ? Allô Titu ? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Tu es la première Titu au monde que je connaisse. Je m'appelle Koé, on est sur Énergie. Ça va ? Avant ? Oui, ah bah il y a des titus, il n'y en a pas partout dans la rue non plus. Oui, mais bien sûr. Regarde, on va faire un essai. Je vais faire un essai. Y a-t-il des titus avec nous dans le studio ce soir ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, ça va maman ? Oui, ça va. Allez, face à toi, Mathieu, on appelle ta mère. Comment elle s'appelle ? Aline. Allez, on appelle Aline. Je kiffe ce jeu, moi. C'est pour savoir laquelle est la plus cool. Allez, vous êtes très jolies, les mamans, là. Ah, j'ai fait une connerie, je crois. Fait quoi ? Non, c'est bon. On a des jolies mamans. D'un côté, on a d'origine vietnamienne et on va appeler Aline, la maman de Mathieu, pour voir de quelle origine elle est. Allô, oui, allô. Aline. Oui. Comment ça va? Ça va, Aline. Mais oui, toi. Mais ça va bien, ma chérie. Aline, voici Titu. Ouais, je sais, c'est chelou, mais te moque pas. Titu, je te présente Aline. C'est un nom vietnamien. Les deux mamans, vous pouvez vous dire bonjour. Bonjour. Bonjour. Pour l'instant, voici 5 questions. 5 questions. Ouais. Oui. Pour déterminer oui. Quelle est la maman la plus cool. Déjà, vos enfants vous ont dit que vous étiez super cool, donc déjà, ça mérite un bisou. Première question, quelle est votre série préférée, Aline ? Soda. Oh, Très jeune. Titu, série préférée ? Série américaine, moi je regarde Esprit Criminel. Plus vieux, c'est moins funky. Un point pour Aline. Soda, pour l'instant, le remporte. Titu, deuxième question, quel surnom tu donnes à ton enfant ? Moi, c'est Princesse. Princesse. Ouais. Aline, quel surnom ? Il va pas aimer mes petits culs. Aline a un autre point. Attention, pour l'instant, Aline, elle prend le. On continue. Hein. Est-ce que vous avez un tatouage, Aline ? Oui, deux. Ah, quoi ? Où ? Épaule. C'est un palmier avec coucher de soleil. Non. Et puis. Bas du dos, un chat avec une lune et des fleurs. Bon, okay. On repère tout un point. Chat avec une lune. Aline, t'as oui. Que des idées de merde au niveau tatouage. Il manque plus qu'un dauphin à l'épaule droite, on est bien. Fais-le, c'est prévu. Non, pas de dauphin. Titu, est-ce que t'as des tatouages ? Bah, vers le nombril, un petit cœur. Ah ouais ? Oh, c'est mignon. Un point pour Titu, ouais. Voici la dernière question. Comment est-ce que vous appelez le zizi de votre chérie ? Aline. Si j'ai pas de chérie, je fais comment ? Bah, quand on a un. Ouais. J'ai pas de surnom. Non, mais même un nom, comment t'appelles ça, le zizi ? Tu dis pas zizi ?

You see that girl with the big tic tac, if you gimme the head to the floor, girl, gimme the bend over, girl, and gimme the spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme the top wine, girl, and gimme the body look fine, girl, gimme the coming out, waste some time, girl, gimme the body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Your body coming over, you're spinning it. Rotate your body coming over, you're spinning it. Rotate your body coming over, you're spinning it. Make the trumpets blow. Sing it on a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckler, the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. And it look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. Sommes-nous toujours en TT? Oui. J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a qui vient chez Koé? On est en combien tième position? Cinquième. Oh merde, c'est énorme. C'est énorme. Je vais être obligé de les dire alors. Ah, obligé. Dans quelques jours, il y aura Alvaro Soler. Oh non, non, chante pas. Il y aura Alvaro Soler. C'est la même émission que l'on fera avec Kev Adams et Gad Elmaleh. Oui. Ce sera dans quelques jours. Sur YouTube jours. En plus. On, vous, on sera en live sur YouTube. Et YouTube, rendez-vous mercredi soir aussi après l'émission en live de chez moi. Oui. On va se passer la soirée, on vous lâchera pas. Comme ça, on s'écoute de 19 à 22. Et ensuite, Blume, rencard chez moi. Et à ma femme, il y a Kinvé qui vient bientôt. Il y a MHD qui va passer dans quelques jours. J'adore cette chanson. Il y aura Alan Walker. Ah, c'est pour Pierre. Il y a ma chanson préférée du moment, il y a Ken Jones. Mais avant de vous dire, les, puisque j'avais dit 20h30, ah, t'es obligé, là, maintenant. Je vais être obligé de vous tu dire les trois gros qui vont venir nous voir. Je vais être obligé de vous le dire. Enfin, gros, ils sont pas si gros que ça. Non, ils sont pas gros, mais c'est quand même énorme. Mais en attendant, vous savez qu'on va faire une émission le 19 octobre au Parc Astérix. Oui. Une émission, comme on avait fait l'année dernière, ça avait été un gros carton. Vous aviez été nombreux à passer la journée au parc et le soir à être avec nous. On remet le couvert. Et cette fois-ci, on va vous proposer encore une fois de venir avec nous. Alors évidemment, il y a ceux qui auront des invitations, il y a ceux qui pourront venir passer la journée avec nous, et ceux qui vont gagner le pack complet. Et ce soir, je vais vous offrir encore une fois le pass pour deux personnes, deux journées, une nuit, transport, vous avez l'hébergement, vous avez tout. Ouais. C'est bon, non? Vous avez les places pour être avec nous et vous faites 2 jours de manège, pas une journée. Ouais, deux jours au parc Astérix. Comme ça, vous rentrez chez vous tout blanc. Et c'est les vacances en plus. Oui, en plus, c'est les vacances scolaires. C'est vacances de Toussaint. Ouais. C'est énorme, ça, j'aime bien l'idée. Pour ça, tout à l'heure, inscrivez-nous. Hein, 0870 42 48, vous passez un coup de fil, vous inscrivez ou sur Twitter. Voilà. Si vous voulez vous inscrire sur Twitter, comme ça, on vous chope au passage et vous affronterez. En fait, il y aura une histoire de défi. D'accord ? Oui. En gros, si vous gagnez, vous êtes avec nous. Donc 0870 42 48. Bon, je crois que je suis obligé avant de faire le super jeu. Allez, balance. Balance. Attends, j'ai quand même dire bonjour à Mathis. Mathis ? Allô ? Bonjour. T'es là, mon pote ? Ah ouais, je suis trop content. Bon, Mathis, avant que je te donne je vais te donner les phrases du super jeu et ensuite je suis obligé d'annoncer, c'est contractuel avec notre million d'auditeurs, je suis obligé d'annoncer qui sont les 3 grosses stars qui vont venir dans les jours qui viennent, d'accord ? Ok, pas de problème. Bon, le super jeu, tu vas le faire à qui ? À ma mère. Floria, 46 ans. Oui. Toi, t'as 15 ans, t'habites à Arras. Près d'Arras, oui. J'adore son mail. Il me dit, voilà mon plan d'action. J'ai réussi à convaincre ma mère de me laisser dans Arras. J'aimerais lui dire que j'ai fugué du lycée. Aujourd'hui, avec des potes, on a fumé de la beuh et on s'est fait choper par les flics. J'ai voulu m'enfuir, j'ai tué un flic, j'ai enterré le corps. Je rajoute. Le mec va trop loin. Et j'ai fait tomber mon tel par terre et après, Coeur pourrait intervenir, etc., etc. Ah oui, donc en gros, tu sors quand même le gros dossier pour maman. Ah ouais, à fond. Les 5 phrases à dire à ta mère, les voici. Première phrase, je suis pas allé au lycée aujourd'hui, on a séché avec mes potes. On voulait juste fumer de la beuh tranquille, mais on s'est fait choper. Par les flics, j'ai oublié par les flics, c'est important. J'ai cassé mon téléphone en voulant m'enfuir. Ça, c'est la troisième. Quatrième phrase, là, on est au commissariat, je suis dans la merde. Et la dernière des dernières, me casse pas les couilles, viens me chercher. D'accord ? Même que ça mérite une super sonnerie. Celle-là, je trouve, elle est forte, je te la mets à fond. Bon, je vous dis qu'il y a une PS4 à gagner. Hein. PS4, la nouvelle ou l'ancienne ? La nouvelle, faut être sûr. Ah, pas la nouvelle de quand ? Bah, il y a une nouvelle PS4. Elle est pas sortie encore. Bon, on a un stock de vieilles là, qui doit faire. On a des PS3 et des PS2. Bon, ne bouge pas, mon gars, d'accord ? J'ai un flash spécial, il faut que je dise les 3 noms qui viennent nous voir. Donc, je suis obligé. T'as pas une petite musique avec le truc genre star ? Viendra nous voir. Bon, c'est notre pote, mais je le vends quand même comme ça parce que c'est un événement. Il y aura Pitbull qui va venir. Énorme. C'est longtemps qu'on l'avait pas vu. Ouais, il sera là en live avec nous dans le studio. Hein. Qui revient avec sa vodka. Arrête toi, c'est bon. Mais c'est pas tout. Il y aura avec nous et c'est son grand retour. Et là les filles, elles sont en mode flaque d'eau. Ah ouais, on n'est pas bien avec ça. Il faut bien dans le studio. À côté de moi. Pas à l'hôtel. Calmez-vous. Il y aura Robbie Williams. Il paraît, on l'a reçu il y a des années, Pierre. C'est vrai, je me souviens pas. Sur la méthode. Robbie Williams sera donc notre invité, ce sera dans quelques jours. C'est plus l'autre qui m'intéresse. Et alors l'autre, et là pour conclure, l'autre c'est un événement. Ah ouais, parce pareil. Qu'elle ne le fait jamais de se déplacer dans aucune radio en public, en live. On l'a déjà fait en interview, mais pas dans le studio. Mais pas là, pas là où tu es. Non. Avec nous dans quelques jours, Lady Gaga. Ici dans le studio dans quelques jours. Énorme. Et pour faire une émission, elle a choisi Énergie, la première émission de France qui est la nôtre. C'est pas énorme cette histoire ? Il faut qu'on en fasse un hashtag. Soit on fait 2 hashtags. Hashtag Lady Gaga chez Coé. Et ben vous savez quoi ? Et hashtag Robbie Williams chez Collier. Vas-y, va te faire un collier avec des perles. On fait Lady Gaga et Robbie Williams chez Coé sur Énergie. C'est là où on va voir lesquelles des deux communautés sont les plus fortes. Ouais. Ah ouais, hashtag Robbie Williams chez Coé sur Énergie contre le hashtag Lady Gaga chez Coé sur Énergie. Vous nous faites tourner, on verra lesquelles des deux sont les plus fortes. Lui est notre invité aussi dans quelques jours. Il sera ici, c'est Amir. Il n'y a que des vedettes. C'est incroyable. Et que des beaux gosses, en fait. Calmez-vous. Faut inviter des moches, c'est vrai. Faut inviter des moches. Tu me dis de regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, je n'ai pas toujours été. J'ai douté tellement de fois. Non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah, on dirait qu'on a tous. très bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, non, non, ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai prié tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. On dirait. Non, je me calme pas. Je ne me calme pas. Découvrez Nathaniel Coué. Coué, 19h-22h sur Énergie. J'ai pas compris tout ce que disait cette dame. Mais elle avait pas l'air contente, contente. C'est le moment du super jeu. Eh, hey, je veux que ça se batte là. Ah ouais. Hashtag Robbie Williams chez Coué sur Énergie contre hashtag Lady Gaga chez Coué sur Énergie. Mais c'est donc l'événement. Lady Gaga sera notre invitée ici dans le studio dans quelques jours. Contre qui, Julie? Qui sera là aussi? Robbie Williams! Mais il va y avoir de la vedette. Hein. Il y aura oh là du, là il y a là Kenji, là. Il y a Kinvé qui vient, il y a Martin Garrix qui est de retour. C'est top. C'est mon pote Martin Garrix. Ouais. On s'envoie des SMS régulièrement. C'est vrai? Dernière fois, c'est un très bon pote de Justin Bieber. La dernière fois, j'étais là, j'étais au Touquet, j'étais en kiff. Lui, il m'a envoyé une photo de lui à Las Vegas. Mais sinon, on est tout pareil. Hein. Allez, super jeu. On refait un petit bisou à Mathis, 15 ans, à Arras. Ça va, Mathis? Ça va, ça va. Mathis, tu bosses un peu, tu me donnes les 5 phrases que tu dois dire à ta mère. On y va. Je suis pas allé au lycée aujourd'hui. On a séché avec mes... Non, va falloir que tu articules parce que je pense que personne ne peut te comprendre. Ah. Refais-le. Je suis pas allé au lycée aujourd'hui. On a séché avec mes potes. Très bien. On voulait juste fumer de la beuh tranquille, mais on s'est fait choper par les flics. Très bien. J'ai cassé mon téléphone en voulant m'enfuir. Très bien. Là, on est au commissariat, je suis dans la merde. Très bien. Me casse pas les couilles, viens me chercher. Très, très, très, très, très bien. On appelle maman, d'accord? Et à la fin, évidemment, ouais, je serai policier avant tout, bien sûr. Policier du Nord. Bien, bonjour, vous êtes sur la messette. Ah. Ta mère qui n'est pas là pour l'instant. Bah si. Elle en a rien à foutre que tu sois seul dehors, je te signale. C'est pour l'instant. Rappelle maman. Qu'est-ce qu'on écoutera après? On aura Shakira? Oui, la bicyclette. Avec la bicyclette. Maître Gims qui est notre invité demain. Et Sib. Et 21 Pilot après. Et peut-être. Et peut-être double hit, peut-être iPhone 7. Et FIFA 122. 17. Oh, ils y arriveront, on s'en va. Oui, on sera plus là. Oh, bonne dame. Oh. Allô? Ouais, c'est moi. Et t'es où là? J'ai quelque chose à te dire en fait. Tu te fous de moi là aussi, t'as vu l'heure qu'il est? Je suis dans Arras. Mathis, je m'en fous. Tu dois être à la maison là. Mais tu m'avais dit que je pouvais être dans Arras. Je t'avais dit, mais pas jusque ce temps-là, tu te fous de moi là? Bah si, tu m'avais dit que j'allais te chercher là. Bah, franchement, écoute, t'énerve pas, j'ai des choses à t'avouer. Pourquoi t'énerve pas? Je crois que je m'énerve pas peut-être. Mais non, mais je suis pas allé au lycée maison, aujourd'hui. Je suis pas allé au lycée aujourd'hui, on a séché avec mes potes. Non, mais tu te fous pas de moi, non? T'as séché avec tes potes, c'est encore nouveau ça? Tu vas te dépêcher de rentrer, je te le dis, ça va aller mal, Mathis. Je vais te démolir en rentrant, je vais te démolir. Tu te dépêches de rentrer. Non, non, je rentre. Allô? Quand tu non, rentres pas, tu vas voir si tu rentres pas. T'es où là? Bah, t'es je suis où, dans Arras, je viens de te dire, je suis dans Arras. Je m'en fous, t'es où dans Arras? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? T'es à la maison, tu vas pas venir me chercher. Qu'est-ce que ça peut me faire? Tu te fous de moi, non? Tu crois que t'as l'âge de rester à traîner dans Arras, hein? Mais écoute-moi, faut que je te parle. Je t'écoute, là. Mais on voulait juste fumer de la beuh tranquille et on se fait choper par les flics. Fumer de la beuh tranquille, non mais hey, ça va aller, ouais? Tu te crois où, là? Mais c'est bon, c'est l'âge, c'est tout. Tout le monde commence. Me dis pas que t'as jamais essayé. Non, mais ça va aller, oui. Bah, me dis pas que t'as jamais essayé, c'est bon. Dis-moi où tu es, Mathis. Je vais te chercher là parce que je vais vraiment te chercher. C'est bon, je suis dans Arras, c'est bon, t'inquiète pas. Quoi, je m'inquiète pas? Tu rentres tout de suite là. Tu te dépêches et tu rentres. Tu te dépêches et tu rentres, je te dis. Mais j'ai cassé mon téléphone en voulant m'enfuir tout à l'heure parce que les flics ils m'ont arrêté. Là, on est au commissariat et je suis dans la merde. Non, mais tu rigoles. Eh bah, tu te démerdes, t'appelles ton père. Non, moi, je vais pas te chercher. Je ne vais pas te chercher au commissariat, tu te démerdes. Je suis au commissariat alors, tu peux venir me chercher. Non, je n'irai pas chercher. T'es au commissariat, t'as fait des conneries, tu te démerdes, tu gères. Bah allez, ramène ton cul. Quoi, ramène-moi? Bah alors là, tu peux rêver, garçon. Tu vas savoir ce que c'est. Tu restes là-bas et puis tu te démerdes. Non, mais ça va, mais tu te fous pas de moi. Mais putain, me casse pas les couilles, viens me chercher. Mathis, arrête de me parler comme ça parce que ça va aller très très mal. Tu rentres, tu te démerdes. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Bah je vais appeler ton père et c'est ton père qui va venir te chercher. Moi, j'irai pas te rechercher. Mais je peux pas rentrer, je suis au commissariat, de toute façon, t'es conne ou quoi? Mathis, arrête. Mathis, arrête. Mais comment tu veux que je rentre? T'es au commissariat, tu te fous pas de moi, non? Et moi, je suis où, peut-être? Franchement. Je pense que t'es à la maison, non? Mais moi, je suis au commissariat, je sais pas quoi faire. Jeune homme, il faut se dépêcher maintenant, hein. C'est fini pour le coup de fil. Hein. Une plaisanterie ou quoi, là? Faut se dépêcher, jeune homme, maintenant. Qu'est-ce qu'elle dit, c'est votre qui, mère? Qui parle, là? Votre mère, elle vient vous c'est chercher qui, monsieur? Elle fait quoi? C'est qui ce monsieur, Mathis? Mais c'est un agent de police, je te dis, je suis au commissariat. Eh ben, passe-moi l'agent de police. Qu'est-ce qu'elle veut? Attendez, allô? Je vais prendre le téléphone. Allô? Oui, bonjour, c'est la maman de Mathis, là. Qu'est-ce qui se passe exactement, là? Madame, là, je vous entendais hurler du bureau d'à côté, madame, là. Je m'en fous de hurler, je veux savoir où est mon garçon, je veux savoir ce qu'il a fait. Comment que tu parles à la police, madame? Excusez-moi, comment vous parlez, là? Oui, j'allais dire comment tu parles à la police, c'est pas non plus. Vous êtes énervé comme vous moi. Vous m'avez tutoyé là, vous m'avez dit comment tu parles à la police, vous m'avez tutoyé. Comment tu parles à la police? Oui, je vous ai tutoyé parce fois, que je suis. Vous me tutoyez deux fois de suite là. Parce que je suis énervé, je voudrais savoir où il est mon garçon. Mais c'est pas parce qu'on est énervé qu'on manque de l'ordre à la force de la police. D'accord? Parce m'excuse. Que. Voilà, parce excusez-moi, que, parce voilà, que, je suis énervé. Voilà, parce tout. Que madame, oui. À un moment donné, le respect. Qui plus je est respecte. Qui plus est, madame? Je vous respecte. Madame, qui plus est? Et non moins des outres. Comment voulez-vous que le respect se passe si vous-même, vous le propagez mal? Vous avez vu comment il m'a parlé? Vous avez entendu? Vous étiez là? Non. Non, vous n'étiez pas là? Vous avez dit, vous avez entendu hurler. Mais je vous ai entendu hurler du bureau d'à côté, madame. Oui. Vous étiez là? Ah vous non, avez... je vais me chercher, mais non. Parle bien au commissaire de police, là, c'est pas des conneries. Eh, jeune homme, vous taisez maintenant, d'accord? Je parle à votre mère. Merci beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on en fait du petit, là? Il est où exactement? Il est au commissariat, madame. Il est au commissariat, pourquoi? Bah madame, enfin il vous l'a dit, hein. Il vous non, l'a dit, une, il n'est pas allé au lycée aujourd'hui. Dites-moi que c'est une plaisanterie. Il voulait fumer de la beuh avec ses copains. Il a cassé son téléphone en voulant s'enfuir. Et il est au commissariat, il est dans la merde. Voilà, et après il vous a dit, casse pas les couilles, viens me chercher. Vous voyez, donc bon. C'est bien, chef, vous avez donné les 5 phrases. Oui, 5 phrases, je vais gagner. Celle-là, je peux la gagner, la PS12. Ah, ouais, super bien. Alors, donc vous venez ou pas? Bah j'ai le choix. Bah. Vous pouvez pas le garder pour lui faire comprendre? Ah non, madame, attendez, nous, on a le jambon beurre, il est arrivé, on en a un par personne, moi je partage pas le jambon beurre. Ah bah vous pouvez pas partager. Madame, quand tu fermes ta gueule, gamin, tu fermes ta gueule, jambon beurre, tu touches pas, tu le vois là-bas, tu touches pas. Attendez, là, vous avez dit quoi, là? Vous me parlez de respect, vous lui avez dit, vous fermez votre gueule? C'est du respect, ça? Et alors, je l'ai pas tutoyé. C'est du respect, ça, vous croyez? Bah, madame... Et vous êtes gendarme? Non, policier, madame. Alors, confondez pas les serviettes avec les linges. Avec les torchons? Non, c'est ça, les ouais. Linges. C'est pas l'expression, les torchons, d'accord? Parce que... Bon. Madame! Oui. Madame, je le dirai pas cette fois. Oui, je vous écoute. Qui plus est, par rapport au respect, qui n'en est plus un, d'accord? Il n'empêche qu'au susnommé du qui plus est qui dame de la route, eh ben, on n'est pas à mettre. Vous avez oublié. Pardon? Non moins des outres, chef. Non moins des outres. Vous avez dit quoi, là? Ben, t'avais qu'à écouter. Vous parlez la France, là ? Madame, je parle Molo Polo. Non, hein, mais ouais. Franchement. Ça vous va. Dites qu'il est au commissariat, vous me parlez comme je ne sais quoi, vous n'êtes pas mieux que moi. Vous avez vu l'heure, c'est l'apéro là aussi. Hein, oh. 20h46, nous. Attendez, on garde le petit là, parce qu'il y a un moment donné, on ne sait pas quoi en faire, mais si vous voulez, on peut le relâcher. Hein. Eh ben, relâchez-moi, il reviendra à pied. Tais-toi, ferme ta gueule, toi. Je suis en train de parler à ta mère, ferme ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a, madame ? Relâchez-le, il reviendra à pied, ça lui fera comprendre. Non, j'ai plus envie. Non, on va le garder finalement. Eh ben, gardez-le. D'accord, mais on va peut-être vous le rendre. Vous faites quoi alors ? Vous le gardez ? Vous me le rendez ? Vous le gardez ? Vous me le rendez ? Je vais peut-être lui mettre un pied dehors, un pied dedans, j'hésite. Je vais le laisser comme ça. Je suis juste un peu énervée là. Ouais, bah faut pas. Hein. Je me doute, c'est une connerie, c'est pas bah, possible. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais. Elle a grillé. Ouais, bien sûr. Affirmatif. C'est une connerie. Affirmatif, ouais. Tout à fait, oui. Bien c'est sûr. Qui c'est le susnommé au téléphone ? Oui. Ouais. Moi, je m'appelle Koé. Bonjour. Putain, Sébastien. Ah non, c'est pas mon prénom. Ah non, c'est Sébastien. Et c'est le blagueur des énergies. Maman a été adorable. Je voudrais qu'on applaudisse fort Mathis qui a été très très bon. Il était bon. Qu'est-ce qu'il gagne Mathis ? Une PS4. La PS4 ouais. Pour Mathis, on te l'envoie à la maison. Rentre chez ta mère maintenant, dépêche-toi. Ah mais elle a plutôt intérêt, je crois. Il arrive, il est pas loin. T'es pas loin Mathis ? Non. Arras, c'est tout. Il a Arras, c'est tout. On vous fait des gros bisous, on vous embrasse. D'accord, les deux, à bientôt dans le Nord. Merci beaucoup. Bisous, maman. Oui. Merci. Est-ce que je peux faire une dédicace ? Ah, bah, je sais pas comment on va faire là. Laisse-moi parce que je débute à la console de mixage. Remets-moi le son au début, s'il te plaît. Débrouille-toi avec la bicycletta. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu appuies sur le bouton en fait. Non, parce que si je fais ça, ça remonte à un autre. Vas-y, fais ta dédicace, mon pote. Je fais une dédicace à tout le lycée Guimolé d'Arras, à toute ma classe et à Romane et Emeline. D'accord, à Roman et Emeline. Ok mon gars, bah, je te fais un gros bisou, je t'embrasse. Attends, une dernière chose. Est-ce que je peux avoir un poster dédicacé, s'il te plaît ? Ouais. Les nouveaux arrivent et dès qu'ils arrivent, on te l'envoie chez toi à la maison. Et ils sont super beaux les nouveaux. Oui, c'est vrai. Bienvenue sur Énergie. 20h48, tout roule. Que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Ella es la favorita, la que canta la zona, se mueve en su cadera como un barco en la sola, tiene los pies descalzos como un en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón.

Dans quelques secondes, il y aura Maître Gims qu'on va entendre, qui sera notre invité demain. Il y aura Ken Jones. Il y a un titre que Pietre kiffe, Evangeline. Ouais, j'adore. Qui va venir nous voir la semaine prochaine. Non, cette semaine, vendredi. Cette semaine, vendredi, comme je le disais donc. Alan Walker va passer. Continuez de vous inscrire pour aller faire un tour avec nous pendant qu'on fera l'émission au Parc Astérix dans au mois d'octobre, on a le temps. Hein. Mais 19. Vous gagnez vos invitations, transport, hébergement et vous serez avec nous. Vous avez la totale, vous pouvez partir avec les amis et la famille. Et deux journées au parc. C'est bon, non 0870-42-48 ou sur Twitter pour voir un petit peu qui a très envie de venir nous voir. Et ça va être une vraie tuerie ça. Martin Garrix sera aussi notre invité dans quelques jours. Je rappelle aussi qu'on a lancé le hashtag Cohérange ta chambre. Oui. Le principe est extrêmement simple. Vous vous inscrivez sur energie.fr. Oui. Vous vous laissez vos coordonnées, vous laissez vos messages et nous, on viendra chez vous ranger votre chambre si c'est un bordel monstrueux. Ouais. On vient avec l'équipe en surprise, on vous met 2-3 cadeaux et on range le bordel et pour les plus jeunes, les ados, les chaussettes qui dorment. On vous le sent pas là. Et pour les plus les 16 ans, on vous remettra quelques magazines de cul s'il n'y en a pas assez. Ah non, quand t'as 16-17 ans et que t'es un garçon, excuse-moi Julie, si t'en as pas, t'es malheureux. Maintenant ils ont les téléphones. Ouais, il y a internet. Eh ben c'est pas grave, on vous en remettra. Vous savez quoi ? On vous redonnera l'envie de lire. Oui. Voilà. Ça fera plaisir au ministère de l'Éducation nationale. On fait un bisou à Marwan. Ça va, Marwan ? Ouais, ça va, et vous ? Oui, Marwan. Dans un instant, de quoi on parlera, camarade ? La meuf de mon pote, c'est une chaudasse. Comment il dit ça ? Écoute, j'ai envie de dire, ça mérite d'être clair. On en parle dans un instant, mon gars. Tu nous expliqueras pourquoi c'est donc une chaudasse. Ah ! Il est presque tout pile 21h. Qui des fans de Lady Gaga ou de Robbie Williams sont les plus contents et le mettront en tété ? Ah, on en parle après. Que faire de tout ce qu'ils disent ? Le guide a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Tu contrôles toute la zone depuis les Champs-Élysées. 700 chevaux, pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs t'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigadier Sabali. Pousse-toi de la lance, puis passe par ici. C'est plus de Nîmes et Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite de la manif. Les petites grimaces, les puissances. Plongé dans le monde de la nuit, de l'homme. Protège bien tes arrières. Dans un monde où l'ami vient l'ennemi, l'ennemi vient l'ami. On n'est pas dans la merde. Toi et moi on n'a rien à voir. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Ouais, ouais, ça va être toi. Seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout battait, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du tout les gens. Yo, yo, yo, yo. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis, protège bien tes arrières. Dans un monde où l'ami vient l'ennemi, l'ennemi vient l'ami, on n'est pas dans la merde. J'ai esquivé les ennuis. Toute la nuit, j'ai esquivé les ennuis. Alors, ma jolie, on a cœur démoli. On est dans sa folie. Folie, folie, folie, folie. Toute la nuit, j'ai rôdé dans Paris. Avec Pédic, Dadju et Darcy. Hey! We'll be right back. Maître Gims demain. J'ai coco. Ciao. J'ai coco. Demain, il sera avec nous, Maître Gims. Non, excusez-moi, monsieur. Oui. C'est la place de Coé. Ah, ben ça, c'est moi. Ah, mais c'est toi, Coco. Oui, c'est pour ça. Pardon. Non, mais t'as tellement maigri et bronzé que je t'avais pris pour Vincent Cerutti. Ah bon? Coé, 19h, 22h, sur Énergie. En live, comme tous les soirs. Bienvenue sur Énergie, tout le monde. Où en sommes-nous des tweets ce soir? C'est le gros, gros carton. Je vais même vous dire un truc. J'ai l'impression qu'il n'y a que nous ce soir. Et je crois qu'il n'y a plus assez de place pour. Je vais vous dire un truc. J'ai l'impression que les autres n'émettent plus. C'est-à-dire non. Qu'il n'y a plus d'autres radios, il n'y a plus de télé, il n'y a que nous alors. La qu'est-ce concurrence qu'est-ce loin. Qui est entêté ce soir? Eh ben, tout ce qu'on a dit. Mais non. Mais là, il y a une victoire entre les deux. Ah, entre Lady Gaga et Robbie Williams. Ouais. Vas-y, je balance. Lady Gaga, chez Koué. Oui, évidemment. Forcément. Lady Gaga chez Koué sur Énergie. C'est donc belle, alors on annule Robbie Williams. Oh c'est non bon. Fais-nous un kiff au moins avec Steph. Et qu'est-ce qu'il y a? Oh Stouf, vas-y parle, qu'est-ce qu'il va pas? Mais non, mais c'est mon fantasme, tu peux pas l'annuler. Bah raison de plus, si c'est ton fantasme, je suis mais non. Écoute le 10, ça te fera passer autre chose. Il va te le chanter les yeux dans les yeux. Tu veux que je lui demande? Non, les yeux dans les seins. Ouais. Tu veux que est-ce que tu veux que je lui demande à Robbie Williams qu'il te fasse I wanna go to view? Ouais, ou autre chose, ouais. Donc, calme-toi. Hey, écoute la chanson, je prends la chanson. Calmez-vous toutes, mais calmez-vous toutes, vous me saoulez. Vous êtes fatigante de chez fatigante. Tiens, on bah fait justement, un... transition. Cherche une sa copine, c'est une chaudasse. C'était pas ça qu'on avait. C'est ça. On a, il nous laisse un message. Il s'appelle Marwan, 21 ans de Lyon. Ça va, Marwan? C'est sa copine. Ouais, ça va. Je t'explique. La meuf de mon meilleur pote n'arrête pas de m'envoyer des SMS chaudus boob. Me demande en ami Facebook et je les bloque car ça me gêne. Ça me gêne. Non, je déconne. Et qu'est-ce que je dois lui dire ou pas? Moi, je la pinerais bien, mais je peux pas faire sympa. Ça à mon pote. Bon, oui. On est sympa dans le terme. C'est bien résumé. Oh, écoute, Julie, on est en 2016. Bah, c'est moche, ce mot. Je la pinerais bien, ça équivaut à madame. Aimeriez-vous recevoir cette fleur en guise d'invitation? Ah, bah, c'est plus avec joli. Ma bite. Voilà. C'est une façon nouvelle et moderne de faire de la poésie, Julie. C'est ça. Tout. Oh. C'est pas très joli. C'est de la poésie hard. La poésie hard. Bon, alors, elle est jolie ou pas? Franchement, si t'es bourré, tu la trouveras jolie après. Ah ouais. C'est dur. Alors pourquoi tu te la ferais bien? Oui, alors si elle est moche, c'est vite réglé. Ouais, pour un coup d'un soir quand je suis bourré, si je la reconnais pas. Ah, t'es salaud, toi. Non, cherche pas à rentrer dans son jeu. Attends, je comprends pas. Elle est, si elle est moche, c'est facile de dire non. Ouais, mais elle, en fait, elle a flashé sur moi. C'est ça le problème. Et lui aussi, il a faim, l'air de rien. Ouais. Hein? Et toi, ça fait. Toi aussi, t'as faim? Ça fait combien de temps que t'as pas une nana? J'ai pas faim, mais en fait, c'est juste qu'en fait, j'arrive à rien avec elle. Ah, je comprends que d'un. Non plus, excuse-moi, je comprends rien. T'as tu envie bloques ou t'as messages, pas envie? Oui. Tu dis j'arrive moi, à rien. J'ai pas envie. Après, si ça doit venir, ça viendra, mais j'ai pas envie. Mais c'est la copine de ton pote, donc te pose ouais, pas la question. Après, c'est avec tout ce qu'elle fait aussi. T'as remarqué que le mec, il est super motivé. Ouais. Non, j'ai pas envie, c'est un pote. Mais bon, si elle insiste un tout petit peu. Encore un SMS, mais non. Mais non, c'est un copain, j'ai pas envie. Mais bon, avec si t'as peu quand même. Elle t'envoie quoi comme SMS? Des SMS genre j'ai envie de toi machin, on va faire des trucs et mais après des snappy sexe aussi après. Et ça fait combien de temps qu'elle est avec attends, ton attends, il y a plus sexe? Si, non mais il y a des snap, enfin des snap des snappy sexe sur Snap. Des quoi? Des snappy sexe sur Snap. C'est quoi un snappy sexe? Des photos sexe. C'est un snap sexe. Snappy sexe, c'est un snap. Mais bah voilà, donc elle m'en a envoyé. Attendez, excusez-moi, un snap sexe, on appelle ça un snappy sexe? Ouais, snappy sexe. Ouais. Bon, c'est mignon, oui. Snappy sexe. Connaissiez ça? Non. Snappy sexe? C'est lyonnais, ça, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Ouais, peut-être. Des photos, tu devais dire un snap de cul, quoi. Oui, mais c'est mignon. Ouais, un snap de cul, comme les SMS de cul. Oui, c'est ça. Comment dire un sexto, tu dis un snappy sexe. J'ai toujours trouvé ça. Un SMS de cul. On a compris, ça va. Moi, j'ai toujours trouvé ça con, ce mot sexto. Ça, j'ai l'impression que c'est un mot qui a été inventé pour les femmes. Bah, sextoys. Oui, non, merci, oui. Mais c'est pas la même chose. Mais j'ai l'impression que c'est un truc qui a été inventé pour les femmes pour ne pas dire SMS de cul. Mais ah oui, tu veux dire alors quoi? Alors elles disent, il m'envoie des sexes. Eh ben c'est quand c'est même. Mignon. Voilà, c'est mignon. C'est un petit côté mignon. Alors que nous, on dit, il dit, oui, SMS de cul qui envoyait. c'est pas pareil. Alors que les filles, c'est sexy. Voilà. Et c'est comme nous, on boit un coup, elles prennent une coupette. C'est ça. C'est pas pareil. C'est des petits mots. C'est des petits mots. Parce que c'est mignon. C'est comme nous. Nous, on est bourrés à la race. Elles sont pompettes. C'est ça. C'est pas pareil. C'est vrai. C'est toujours mignon quand c'est pour nous. Mais oui, nous on est des enculés qui trompons leurs femmes. Elles sont satisfaites. Et on se fait prendre pour des bouffons à la fin. Oh, ça va, comme et on dit, comme on dit, si on. Tu sais qu'il faut t'en souvenir de la phrase, si parce que quand on commence une phrase par hard, comme. Mais comme on dit, si on la baisse pas avant, elle nous baisera après. Oui, elle est hard. Ouais. Yeah, Non, mais alors, elle faisait quoi dans les snap sex? Genre, elle envoyait sa chenèque en photo. Oh non, voilà. Je crois. Non, mais alors, parce que si t'es pas. Non, mais c'est bon. Avec le bouclier de la voiture, avec la Twingo, Voilà, c'est pour ça que c'est un peu. Ah bah c'est vrai que tu ouvres un snap, t'es pas au courant, tu vois la télécommande de la télé. Tu dis qu'est-ce que c'est. Je voyais marqué free dessus. J'avais juste marqué free, voilà. C'est une très bonne pub. Peut-être ça leur ferait plaisir, free. Ils disent, tiens, on savait pas comment communiquer. Alors, depuis combien de temps, là, avec ton pote? Là, ça va faire à peu près un an et demi, là, bientôt. Un an et demi. Et elle te chauffe depuis combien de temps? 3 mois, 4. Ouais, voire 4 mois et demi, bientôt là-bas. Et toi, est-ce que tu lui as envoyé des photos de ton. Jamais. Pas encore. J'ai juste envoyé une photo de François Hollande une fois pour lui répondre. Aucun rapport. Mais c'est très drôle. C'est super drôle. Pour la calmer, la meuf, tiens. Eh, vous avez vu cette info, excuse-moi, on va pas parler de sexe là pendant 2 secondes, mais vous avez vu cette info du jour? Je te la donne pour que demain, si on t'en parle, Marouane, tu sois au courant. François Hollande, est-ce que tu sais, il a été élu aujourd'hui ou dans le week-end? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, là. Aujourd'hui, il a été élu. Il a été élu quoi? Je te laisse réfléchir. Dis-moi, est-ce que peut-être que tu le sais? Le plus mauvais président, non, le seul célibataire. Non, non, l'inverse. Il a été élu homme d'État mondial. Ouais, mais par qui aussi, t'as vu? La fondation The Appeal of Conscience à New York, travaillant au nom des droits de l'homme, l'ont honoré de l'homme d'État mondial. C'est la République qui fout de la Marseillaise. Hein. Non, mais, je pense que quand on a donné son nom, il a dû se lever, il a dit « J'ai une caméra cachée !» Je crois pas. Il a dû se comparer à Sarkozy, je pense, pour en finir là, non? Je sais pas. Mais je sais pas, bon, je suis pas de politique, moi je m'en fous, mais... Oui, mais en tout cas, je sais pas. Mais on aurait peu. Homme d'État, c'est quand même abusé. Hein. Non, pas homme d'État. Tellement vrai, il pourrait passer, mais... Homme d'État mondial. President of the world. Ouais, j'ai pas eu de bol, Bon, alors pour en revenir à sa chaudasse. Mais t'as envie d'y aller. D'abord, je vais te dire un truc. T'as envie d'y aller, franchement, si t'avais pas eu envie depuis longtemps, t'aurais même pu regarder ses snaps, t'aurais pu ouvrir, t'aurais pu laisser ses messages. Et quand on ne veut pas, on ne veut pas. T'as pas envie d'en parler à ton pote? Non, parce qu'après, c'est. On a deux caractères. Ouais, mais par respect pour sa télécommande, au moins. Tu vois ce que je veux dire? Avec elle, après, s'il y a des traces de chez elle. Ah, et tu sais si elle fait ça avec d'autres ou pas? Après, ça, je sais pas, mais je sais qu'il y a des potes sur Facebook. Après, elle a ajouté, genre, un jour, elle avait 300 amis, le lendemain, elle avait 2500 amis et quasi que des pélos. Ah ouais, mais c'est une. Et que sur Facebook. Et genre elle a fait 3 comptes. Pour pas faire tricard, elle a fait 3 comptes. Mais dis-le à ton pote, alerte-le. Je pense qu'à un moment donné, si le mec est vraiment ton ami, il faudrait peut-être lui dire: es-tu sûr de ta copine? Ouais, c'est du foutage de gueule, là. Envoie sûr au 18-22-22. Ça me fait chier que ça soit une salope. Est-ce que tu veux qu'on teste ta meuf? Non, mais après, si elle répond. Ah ouais, t'es à ce point-là. Mais bah t'as pas envie de l'appeler, là, qu'on l'appelle en live? Tu dis, écoute... Bah après, je sais pas si elle va répondre, mais après, ça se fait bien. Ouais. Tu l'appelles, tu dis, j'ai réfléchi, tes photos, je trouve ça super. Enfin, à tout time, les gars, retour en arrière. T'as pas envie? Parce qu'après, c'est vrai qu'elle se méfie de tout le monde. Bon, allez, bouge pas. Vas-y, on essaie. Allez, bouge pas, reste avec nous, on essaie dans un instant, d'accord? Ok? Allez, je suis chaud patate. On va chauffer la chaudasse. Ah ouais, dans un instant. Dans un instant, le. Je suis comme un malade, moi. Voici Breeze, c'est Sib sur Énergie. J'espère que ça va chez vous à la maison. Vous êtes bien? Nous, ça va bien. Lady Gaga, Robbie Williams, Pitbull et plein de stars vont venir. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. The kisses are the only doubt. I listen up from your lies. Don't drown your heart. dreams you found. Sing me all the songs you love. Can I sing them with you now? You're killing me over love. Your kisses are the only doubt. I listen up from your lies. Qui vont venir, Alvaro Soler, Kim V, il y aura MHD qui va passer aussi. J'adore ça. Kenji vient nous voir dans quelques jours. Il est énorme le nouveau titre de Kenji. Ouais. Et alors l'événement, on vous l'a dit ce soir, Pitbull. Tout ça en live ici avec vous dans le studio. Si vous êtes fan, vous pourrez les voir de près, vous pourrez voir Robin Williams. Vous pourrez voir Lady Gaga. Oh, ça c'est énorme. Moi j'ai déjà vu Lady Gaga, on a déjà fait un truc ensemble, mais là qu'elle soit avec vous ici dans le studio, ça va être énorme. T'as oublié Martin Garrix, hein, je veux pas dire. Je peux pas dire tout le monde, Julie, s'il te plaît. Mais en attendant, attention, flash spécial, monsieur Guéguette, bonsoir. Oui, bonsoir. À 10 000 likes, il devait se passer quelque chose. À 8 000 likes sur mon Insta. Le principe, c'était que nous faisions le Hat Challenge. Peut-on rappeler ce qu'est le Hat Challenge? Eh bien, le Hat Challenge, c'est un truc qui se passe sur les chantiers. Ouais. On pose un casque de chantier au bout de la pelle. On appuie avec le pied sur la pelle et on se prend le casque dans la gueule, normalement. On fera ça à la fin de l'émission. Le but, c'est de se le mettre sur la tête. Voilà, arriver à 8 000 likes. C'est impossible à faire. Mais à combien sommes-nous? On a 8 000 likes. Ça y est. Quoi? Il y a beaucoup trop d'entrain pour on ça. On disait que ça. Et elle me regarde. Et elle me regarde, elle fait quoi? Elle l'a bien placé. Bon, on a toujours dit qu'il fallait que ça finisse dans le cul. Arrête. Bah quoi, j'étais bien, à mon cul ce week-end. Ouais, je vais encore recevoir des lettres d'énergie qui vont encore me dire CSA, machin. Bah, et tout. Ça va, j'étais à mon cul en week-end. Il était magnifique celui-là. Oui, Loris. Le hashtag gênant, c'est entêté aussi. Bon, hashtag arrête, Julie, c'est gênant. Alors, attendez, on en reprend notre camarade. Il est là, Marwan. Ouais, je suis là. Marwan, ta copine qui te chauffe s'appelle comment? Mélissa. On l'appelle sur Facebook. On l'appelle et tu lui dis que t'es chaud patate et que t'es d'accord. Allez, on y va. Elle a deux prénoms. Allez, on y va. Pas trop de mots grossiers, machin et tout, mais tu la chauffes, tu dis que t'es d'accord et tout et tout. Apparemment, elle était déjà énervée. Chut. Chut. Allô, Mélissa. Attends. Oui, allô. Allô, Mélissa. Allô. Allô, ouais, Mélissa, ça va? Non, c'est pas Mélissa l'appareil. Mais arrête de dire c'est pas Mélissa, arrête de dire c'est pas Mélissa. Pourquoi tu changes de prénom, tu changes de truc à chaque fois là? C'est qui d'abord quoi? Mais tu te rappelles pas au pop la dernière fois quand on s'est vu? Ça fait plusieurs fois déjà. Ah non, moi je connais pas, non? Mais arrête, tu m'as même taxé une galop la dernière fois, tu m'as dit t'as pas de mal bro. Ah non mais du tout, on avait trompé le numéro. Hein. Et moi, puis tes Snap, tes photos sur Snap, franchement que tu m'envoies, c'est pas mal. Quoi hein. Tes photos sur Snap. Non mais c'est erreur là. Si, mais la dernière fois, je te rappelle pas, tu m'as même envoyé ça tout avec la télécommande la dernière fois. C'est quoi ton prénom? Parce qu'il y en a tellement, c'est vrai qu'ils sont venus vers moi, mais... J'ai pas de franchement, numéro de téléphone, hein. Franchement, je t'ai dit, tu me vexes là par connaître mon prénom comme ça. Franchement, c'est vexant. Après, on dit on est des chiens. C'est vexant. C'est quoi ton prénom? Bref, en fait, je suis d'accord. Donc, si tu veux, on peut se capter et on réserve une heure. J'ai changé d'avis, c'est bon. Mais t'es qui? Je sais même pas qui t'es. C'est quoi ton prénom? Mais pourquoi tu fais genre Verma? Tu sais pas qui c'est? Non, je sais pas qui c'est. Mais arrête de ban. Bah dis ton prénom. Mais wesh, c'est Marouane, t'as collé toi. De quoi? T'as collé dans ta tête. T'as collé dans ta tête, tu donnes des expressions que je ne connaissais pas moi. Mademoiselle, vous n'êtes pas Mélissa? Mademoiselle? Allô? Vous n'êtes pas Mélissa? Non, du tout. Vous n'envoyez pas vous n'envoyez pas des snaps? Non, du tout. Très chaud? Non, du tout. Vous n'avez pas non, des endroits étranges tout. Pour mettre votre télécommande? Non, du tout. C'est une grosse mytho. Tais-toi, toi. Levez la main droite et dites, oh, je jure que c'est pas moi, Mélissa. Écoute, c'est un temps pour moi et pour vous. Donc maintenant, tu me dis que tu t'es. Alors, moi, alors, attends, allons-y. Tais-toi, Marouane. Allons-y par ordre. Moi, je m'appelle Coé. Et il nous a dit que vous étiez Mélissa. Eh ben écoute, c'est dommage pour toi parce que je m'appelle pas Mélissa et je connais pas de Coé. Ah, tu connais pas de Coé? Coé. Tais-toi, toi. Coé, ça vous dit rien? Non, du tout. Non, énergie, tous les soirs, rien. Jamais entendu ce nom, Coé? Non. Jamais. Un C, un A, un U, un E, un T, Coé, jamais. Non, non, jamais. Tu te fous pas un peu de ma gueule, toi? Elle est chelou quand même. Jamais entendu? Non, jamais. Même comme ça, vite fait, un mec, c'est Coé. Non, j'ai autre chose à faire, qui a regardé Coé ou je sais pas quoi. Ah, d'un seul coup, tu sais pas qui je suis, mais tu peux me regarder alors, par contre. Elle a d'autres choses à faire. D'accord. Bon, au standard, vous pensez que c'est quoi? C'est quoi le délire? C'est une connasse. Mais non, c'est pas ça la question. Merci pour cette interprétation scientifique. Nous en déduisons donc, après des études poussées, que c'est une connasse. Bon, Mélissa, pardon, d'après les médecins et les scientifiques, vous seriez une connasse. On vous laisse? Je suis désolé. Ouais, c'est bien, tant mieux pour vous. Au revoir, madame. À bientôt. Au revoir. Très bonne soirée. Ah. C'est offert par la Sécu. Grosse mytho. Marouane. Maintenant, passons au stade de Marouane. Vous m'avez dit que vous avez donné plusieurs numéros. Bah, moi, j'ai un gros doute, ouais. C'est pas Marouane le mytho, en fait, c'est ça l'idée? Je sais pas, mais ça filait plusieurs numéros. Pourquoi t'as donné plusieurs numéros? Bah, parce qu'elle a trois puces. Ah, la 3 puces. Bon, déjà, la meuf, elle était chelou. J'ai déjà vu beaucoup de nanas qui ont 3 téléphones, 3 puces. Elle a 3 puces, elle a le téléphone pour appeler au bled, le téléphone sans froid, c'est le MobiCart. Ah, c'est possible. Non, je retiens ce que j'ai dit. Et une télécommande dans le... Donc elle téléphone beaucoup, mais elle peut plus regarder la télé. Elle a plus la télécommande. Bon, je te fais un gros bisou, mon Marouane. Reste avec nous dans un instant, le double hit. On l'annonce ce soir, on se dit tout. Le double hit qui va peut-être vous permettre de gagner l'iPhone 7. Dès qu'il y a 21 Pilots et Nash 611-12 par SMS en mettant Coé au début de votre message. Et je vous offre l'iPhone 7, c'est cadeau avec le FIFA 258. D'accord? Oui, ça me fait plaisir. Et il y aura le grand défi qui vous permettra, non seulement nous à la fin avec le casque où on sera très très mal, mais il y aura aussi la possibilité d'aller faire un tour au parc Astérix avec nous, tout frais payé. Oui. Et ça arrivera dans un instant. 0870-42-48, il vous suffit juste de miser sur une des filles de l'équipe. C'est ça. Ah, j'ai pas dit c'est une des filles. Ah oui, je dis c'est ça d'ailleurs, j'ai pas dit. Bah non, j'ai choisi. Non, c'est pas nous. C'était quelqu'un de l'équipe, mais c'est ça va être une des filles. C'est dit. Mais voilà. Vous savez pas encore pourquoi. Mais restez avec nous, vous le découvrirez. Arrêtez de chouiner tout le temps, c'est pénible. Un pour tous. Non, mais j'ai trop hâte de les voir. Je connais déjà toutes les chansons par cœur. C'est mon livre préféré. Tous pour un. Les Trois Mousquetaires. L'expérience musicale la plus spectaculaire de l'année. De 40 artistes sur scène, des tableaux et des chorégraphies à couper le souffle, un décor grandiose. Rendez-vous à partir du 29 septembre au Palais des Sports de Paris. Ah, c'est trop bien! Avec énergie, it's music only. Oh, oh, oh.

premier à la cantine. Ah non, c'est vrai, oui, il fait régime. Ah, c'est pas bon pour le classement, ça. Ah, merde. Coé, 19h, 22h, sur tous les soirs, merci d'être avec nous et merci d'être là. Je vous rappelle que mercredi soir, on se fera une émission spéciale de l'émission normale, 22h, bim, on et s'en après... va. On arrive chez moi et on se fera une heure en direct de chez moi avec toute l'équipe à la cool dans un gros canapé tranquille ouais. avec du cacolac de 82 ouais. pour Julie et des conneries et des trucs à boire. Ça te fait plaisir? Oui, Tu sais pourquoi, Julie? Pourquoi? Tu sais quoi? J'adore quand tu dis ça. Bon, en attendant, attention d'un moment à l'autre, double hit. 21 Pilot et Nash, et vous gagnez peut-être l'iPhone 7 aussi, 11 12 en mettant Koé au début de votre message. Vous avez remarqué comme vous êtes déblasé? Pourquoi? Non mais juste. Pourquoi? Parce que j'avais pas touché une console de mixage juste depuis, je vais pas dire l'âge tellement je vais passer pour un vieux con. Ouais. Je le fais, il y a pas un pain dans l'émission, tout c'est est nickel. Mais oui. Et c'est genre c'est normal. Bah c'est oui, normal. Bah, voilà. T'es le boss de la radio. Donc ouais, mais enfin, mais ça on le sait, Julie, bah oui, on le donc, sait qu'est-ce évidemment. Qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse de. Ben je sais pas, un petit léchage de couilles de temps en temps, ça fait plaisir. Excusez-moi, un petit oh qu'est-ce que c'est bien, waouh incroyable, quel talent. Waouh, quel talent. Non, je veux un truc sincère. Guéguette. J'ai jamais vu aussi bien réalisé. Flattez-moi. Écoute, t'as des doigts en or ou pas? Je prends. Parce que c'est un truc de ouf, c'est ça? Je prends. Loris. Vous êtes Loris. Seul à faire tout ça? Comment? Attends, on va allumer ton micro, il est allumé. Vas-y, quoi? Je suis tout seul à faire ça. Il n'y a plus de micro, Loris. Il n'y a plus de micro, il n'y a plus de micro. Julie. Ah, moi j'ai déjà dit, quel talent. Non. Ah, Boris, si, oui. Bah, qu'est-ce que je disais de plus? Mais Jérémy est revenu. C'est fort, bravo. Ah, ça, c'est le plus beau compliment. Attends, je vais demander à mes amis à côté. Vas-y, un compliment. Non, il est vraiment très très bon. Parce que vraiment, il fait pas de conneries. Vraiment. Alors que toi, ça fait 10 ans que t'es dans la boîte, t'es toujours pas capable de le faire. Exactement. Attends, je demande à moi. Parce qu'ils m'ont assuré de la. J'ai de la sécurité par contre. Attention. Ils m'ont dit, Koé, on va le laisser mixer. On le laisse à la console, mais on n'a aucune confiance. Mais il y a deux mecs derrière quand même. Oh la vache. Hein? Ah non, c'est pas Koé qui s'adapte à la console, c'est la console qui s'adapte à lui. Toi alors. Toi, je te mets Langue d'Or 2016. Ah, alors là, c'est exceptionnel. Dans quelques jours avec nous, Lady Gaga sera là. Mais pour l'instant, c'est le moment de vous envoyer faire un tour peut-être au parc Astérix avec nous. Alexandra, bonjour ma petite chérie, comment ça va? Salut Koé, ça va? Ça va Alexandra? Salut toute l'équipe! Ça va, tu vas miser sur qui toi dans cette équipe entre Julie et Stouff? Arrête de faire du bruit toi, entre Julie et Stouff. Sur Stouff. Bah évidemment, évidemment. Évidemment, je te présente celle contre qui tu vas jouer, qui évidemment on va miser pour Julie. Elle est obligée. Elle a plus le choix. Bah ouais, bah, pas le choix. Elle est dégoûtée. Ça va Stéphanie? Bah ouais. Salut, ça va. Salut l'équipe. T'habites où Stéphanie? Je suis de Nantes. Tout frais payé, hôtel, transport, deux jours dans le parc pendant qu'on y est, voici le jeu des phobies. Oh là là. Qu'est-ce qu'une phobie? Je compte sur toi Julie. Hein. Ah bah. C'est l'angoisse pour moi. Hein. Guiguette, tout. Oh, attendez les filles, j'explique. Est-ce que vous savez ce qu'est la lipophobie? Putain, sans déconner, c'est... Ouais, c'est chiant à dire. Hein. Non, c'est surtout que la prochaine fois, écrivez plus petit. Tu veux le lire? T'as vu mon écriture ou pas? Non, mais t'as vu ou pas? Tu l'as en plus gros. On est quand même loin écrit. C'est fait exprès. Non, mais c'est en Arial 2, là, c'est pas possible. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'hygirophobie? C'est la peur des gyrophares. C'est la peur des ballons de baudruche. L'hygirophobie. Ah, des gyrophares! C'est la peur des ballons de baudruche. Julie? C'est angoissant. Julie? Non, je peux pas le faire. Mettez-vous en position. Mettez-vous en derrière, position. Derrière là-bas. Moi, je l'ai déjà fait. Stouff, allez! Allez, mettez-vous en position. Et vous allez vous mettre un ballon sous le pull. Ouais. Et on vous allez le gonfler. Et le principe, c'est celle qui le pète en premier. Ah, mais tu tiens. Donc, ah non, je peux pas le faire. Alexandra, t'as misé. T'as misé sur Stouff, t'as raison, parce que c'est une barjo. Comment elle s'appelle? Stéphanie, t'as misé sur Stéphanie. Julie. Allez, je pense qu'elle va y arriver. Elle a tellement peur qu'elle va pas y arriver. Non. Mettez le ballon sous le gilet. Voilà. Mais Stouff, ça va lui faire un troisième. Non, potion. Tournez deux ballons. Après, elle a déjà deux ballons. Quand vous voit bien, il y a des caméras, on filme YouTube, 1 milliard de vues. Je vous rappelle. Bonsoir. Rapprochez-vous, soyez proches, en contact. Oh là là, mon Dieu. On vous a mis des pompes, on a le ballon en dessous. Tenez bien le ballon, tenez bien le truc. Et les gars, quand je dis go, on pète. Enfin, on pète. Oh, on gonfle. On gonfle. 3, 2, 1, c'est parti. Je rappelle qu'Alexandra a misé sur. Qui Julie qui a gagné? C'est Julie! C'est Julie! Ah, ça a été trop rapide! Ça a été super vite! Hein. C'est Julie qui a gagné! Ça veut donc dire que Stéphanie, c'est toi qui pars faire un tour au parc Astérix! Ouais, ouais. Merci Julie, merci Koé! Bisous ma chérie! On va se voir là-bas, tu vas kiffer, ça va être un grand moment! Je te fais un gros bisou! Les marques.

wedding bells were just alarms. Caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you did. Lie to me, lie with me, get your fix. Now all my drinks and all my feelings are all mixed. I'm always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong. So every lonely night I sing this song. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be her. Like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. She's the only thing you ever see. How is it you slowly killing me? I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. Un iPhone 7 ? Ouais, bien sûr, ça arrive chez vous. 612 par SMS en mettant Coé devant. Coé, il compare toujours tout aux voitures. Et lui, je vous jure, c'est une Ferrari. Ouais. Mais dans une carrosserie de gang. Ouais. Coé, 19h-22h, sur Énergie. C'est là que ça se passe. N'oubliez pas que tout à l'heure, nous allons... Autant je sens les gens chez eux à fond parce qu'ils nous ont mis des doubles tweets, triple tweets, quadruple tweets. Des tweets. Ils nous ont mis des tweets. Arrêtez, je viens de me mordre la lèvre. Ça fait super mal. Ça vous arrive pas, ça, de vous mordre la lèvre? Et tu sais, ça gonfle et tu fais pas attention et tu te remords la lèvre dessus. Ça fait trop mal. Et là, tu deviens ouf. T'as l'impression, t'as envie de te mettre des beignes. Tu le fais pas, mais t'as envie de. Tu vas te reniquer la lèvre si tu te mets une beigne. Je disais, j'ai l'impression que le public, t'es un peu en descente. Hein. Le nôtre, là on leur a dit qu'ils étaient beaux aussi et ils ont pris la confiance. Ouais, ils se la racontent un peu. Ça va mieux. C'est pas fou, mais ça va mieux. Kungs, mercredi. Pietre, toi qui ne suis jamais rien, qui vient demain? Évangeline. Non, effectivement, tu ne suis rien. Jamais. Ouais. Jamais. Jamais. Jamais. Jamais. Jamais. Jamais. On fait un gros bisou à qui? Amélie, tiens. Comment ça va, ma petite Amélie? Salut Coé, salut tout le monde. Salut ma chérie Amélie, je te présente l'équipe. Julie Amélie, Pietre Amélie, Guéguette Amélie, tout le monde Amélie. Ça va Amélie? Bonsoir. Tu nous as envoyé un petit mail, tu dis comment Coco, il faut que je te parle de mon ex. Je m'appelle Amélie, c'est pour ça qu'on t'appelle depuis le début Amélie. J'ai 23 ans et je me pose des questions. Il me fait faire de plus en plus de trucs de dingue sexuellement. On teste des trucs de plus en plus fous et je me demande where is the limit? Et j'ai peur de ne pas savoir m'arrêter. Il m'a déjà attaché. On a fait un plan à trois avec son meilleur pote. Blablabla. Ah oui, d'accord, ah ouais. Ça va très loin. Bon, allons-y tranquillement. Au début, vous êtes rencontrés, t'étais sage. Oui, moi de base, je suis plutôt sage. D'accord. C'est plus, c'est délire à lui. Attends, attends, bouge pas, il y a Julie qui fait un commentaire. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, rien, c'était pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, le bel était un peu trop fort. Le bel était un peu fort. Si j'ai envie de l'écouter fort. Si j'ai envie d'être une radio Jones comme ça et qu'on est fou et qu'on parle sur la musique. Mais on s'entend plus. Oui, mais si je préfère mettre la musique quand tu parles. Voilà, t'as vu un peu tout le monde. Toi, tu me cherches. Tu me cherches. Bon, donc au début, vous étiez sage. Après, il a commencé par te dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'il voudrait, il voulait quoi après. Voilà, donc à la base, on a commencé un petit peu plus soft, donc tout ce qui était attaché et tout ça. Ouais. Donc à savoir que moi ça n'est pas trop mon délire à moi. D'accord. Mais que j'ai fait ça pour lui faire plaisir. Et finalement et ça m'a assez plus. Mais après le côté se filmer et faire ça avec son meilleur pote en plus, moi j'étais plutôt réticente. Et il a insisté. Et oui, et voilà, j'ai cédé pour lui faire plaisir à lui quoi. Mais pourquoi? Parce que je me demande Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas refuser, en fait? Bah, j'ai envie de lui faire plaisir et peut-être de découvrir aussi, mais je me demande c'est quoi la limite jusqu'à où il peut. Demande à ton il père. Il peut m'emmener comme ça. Il va tout de suite te les fixer, les limites. Mais t'es grave, toi. T'es, casse pas le délire, toi. Ah oui. Y a-t-il des limites Alors, le plan A3, c'est arrivé comment? Bah, du coup, c'était. Il m'en a parlé parce que, apparemment, lui, ça devait être un de ses fantasmes. Ouais. Et quand il m'a dit déjà que c'est avec son meilleur ami, moi, déjà, ça m'a mis un froid parce qu'après, je revois la personne avec qui tu le fais. Voilà. Et bah, il a insisté, il m'en a reparlé pendant au moins 2-3 mois, il m'a bassiné avec. Donc, j'ai cédé pour lui faire plaisir, en fait. Et alors bien. Bah, c'était bien, mais il y a quand même un froid maintenant avec son meilleur ami parce que je me vois pas le regarder maintenant en face. Dans les yeux, ouais, c'est normal. Bah, vous avez fait. Bah, si t'as kiffé. Et quelle heure il est tôt, ouais, il est tôt. Vous avez fait quoi? C'était sobre? C'était quoi? C'était un devant, un derrière? Bah, enfin, non, oui, voilà, il y avait les deux trous, ils sont passés, quoi. Oh, classe. Ah, c'est sympa. Heureusement que j'ai dit soft. Oh là là, soft. Ah bah, avec deux trous, ils y sont. Attends, ils ont bouché. Attends, direct. J'avais demandé, imagé. Mais non, mais je voulais dire, est-ce que c'était chacun son tour ou tu vois, non, bon, boum. Les deux. Non, du coup, non. Et alors, c'était bien? Les deux. C'est pas mon délire à moi. Ah bah, c'est pas ton délire, plaisir. Mais tu le fais, toi. Mais elle fait tout, mais ça lui plaît pas. Pour faire plaisir à mon copain. En fait, c'est vrai que tu sais que le plaisir dans un couple, c'est en théorie pas que de faire plaisir à l'autre. Ouais. C'est de prendre plaisir. Parce que là, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu fais un truc, tu dis ouais, c'est pour lui, mais alors moi, c'est pas mon délire. Vous êtes déjà, vous, posé des limites? Genre, je vais pas plus que faire ça avec une nana? Ouais, mais on peut pas en parler là. Il est beaucoup trop tôt. Sinon, je vais aller en prison. Non, moi, non, j'ai pas de limite. J'ai des trucs que j'aime pas. Je déconne, évidemment. Comment ça, mais j'aime pas être attaché. Tu m'attacheras jamais. Ah, donc toi, ta limite, c'est de ne pas être attaché. Ouais, mais ça, c'est plus une phobie qu'autre chose. Moi, je veux pas être attaché. Tout le reste, oh là là, 3, 4, 8, 12. Ça les animaux. Pas. Non, rien. Aucune limite, donc. Non. Mais à 2, non, aucune limite. Même à 3, non, si ça fait plaisir à l'autre. La limite, ah voilà, si, ma limite, c'est si ça ne fait plus plaisir à l'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, si j'étais le mec de Amélie et que je voyais qu'elle fait ouais d'accord, mais pour me faire plaisir, eh ben j'arrêterais. Ça me plairait pas. Moi, ce qui me plaît, c'est de faire plaisir à l'autre. Nana. Si à un moment donné, je vois qu'elle le fait, mais elle prend aucun plaisir, non. Ouais, c'est après, si elle le fait pas, ça me saoulera. Puis on prendrait une autre. C'est bien de réagir comme ça. Non, mais après, c'est à double tranchant. Parce que tu dis, je veux, si elle veut pas, bon, on fait pas. Mais à force de pas faire, et un jour tu dis bon bah tant pis, on va en prendre à quelqu'un d'autre parce qu'après t'es. Ah, ça dépend après si ça te convient ce qu'elle fait. Non. T'es pas obligé de. Non, parce que si t'as un fantasme. Après, c'est où tu décides de vivre caché. Toi, ton délire, Julie, tu t'es décidé de passer sur tes fantasmes. Toi, ton délire, c'est de faire l'amour à trois, mais pas avec ton mec. Donc à un moment. Au moment de mourir, tu vas regretter, je te mais le dis. Mais non, et comme elle est fidèle, elle décide de pas le faire. Ouais. Donc tu passes à côté de ta vie. C'est ton délire. Ouais. Moi, je décide de ne pas passer à côté. Donc je sais que s'il y a un truc que la dame ne veut pas faire et que moi j'aime bien, bah, je sais qu'à la terme, la fin, je la connais. Oui, mais j'ai d'autres délires où je peux aller sans forcément. Oui, mais c'est pas d'autres délires. C'est s'il y en a un ou deux que t'as envie, que tu sais que l'autre ne le fera pas. Toi, tu préfères dire je me contente de ce que j'ai, que moi, je préférerais dire je sais que je vais être malheureux. Donc à un moment donné, ça s'arrêtera. Ouais. D'où l'intérêt de se marier avec une fille de film porno. Hmm. Voilà. Ah, ou là, tu passes des soirées fabuleuses. Voilà. Ouais. Non, je suis même pas sûr. Non, je déconne. Bon, mais il y a d'autres trucs encore filmés. T'as aimé ou pas? Non, c'est pas mon truc. Bah, c'est pas ça. Tant que la vidéo elle reste pour lui, je m'en fiche un petit peu. Mais je sais pas ce qu'il fait après avec. Après, je pars du principe aussi, comme toi, Coco, que genre si je le fais pas, il va dire je vais aller voir ailleurs, quoi. Ah, mais tu le fais sous la contrainte. Ouais, mais ça revient aussi. Non, mais ça revient aussi à ce que je disais. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu te dis ça qu'il faut non plus faire tout et n'importe quoi de peur de le perdre. Parce que ça veut dire que le mec, il est égoïste. Il fait ce qu'il lui. Moi, je suis pas comme ça. Attends, moi, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est très bien. Moi, j'ai dit que je ne suis pas égoïste. Je veux faire ce que l'autre aime. Ouais. Mais à l'inverse, je suis honnête. Si à un moment donné, je n'ai pas ce que j'ai, je sais que ça s'arrêtera. Ouais. Mais je préfère. Bizarrement, je préfère que ça s'arrête que de forcer l'autre à faire ce que je veux. Ah, c'est bien. Ouais. C'est l'inverse de Piètre, en fait. Mais Piètre, oui, tout à fait. Moi, je les drogue. Mais Piètre, arrête. Il est égoïste. Mais arrête, mais dis que c'est faux, les gens. Mais évidemment que c'est faux. Voilà, bon. Fleur bleue. Amélie, est-ce qu'il y a un autre truc dont il t'a parlé? C'est un amoureux. Qu'il a en projet? Non, pour l'instant, non. C'est pour ça que je me suis dit, soit il est en train de chercher quelque chose de vraiment encore plus fou. Il est sur les catégories. J'ai besoin là vraiment de savoir qu'est-ce que c'est les limites, en fait. Il n'y a pas de limite dans un couple. Il n'y a pas de limite. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé avec deux mecs? C'est pas concevable pour toi. Dis la fille qui en rêve. Voilà. Mais qu'est-ce que t'as bien pu nous pas aimer? Non, mais c'est vrai. Déjà le fait que ce soit avec quelqu'un d'autre que oui, je connais. Oui, bon, mais si ça avait pas été le meilleur pote, c'est pas si ça avait pas été le meilleur pote. Je sais pas. L'acte en lui-même. À avoir ce moment-là, même, je pense peut-être comme Julie, avec deux personnes que je connaîtrais pas, peut-être. Mais là, mais à partir du moment où ça l'a bloqué, ouais. Tu pourrais faire toi avec une meuf que tu connais, que tu vois tous les jours. Et d'ailleurs, me regarde pas comme ça, parce que tu vas savoir ce qui va t'arriver dans deux minutes. Je te fais un gros bisou, ma petite Amélie. Mais te laisse pas faire, surtout, merci et fais ce que t'as envie, d'accord, toi. D'accord? D'accord, d'accord. Allez. Merci à vous pour votre aide. Voilà, Amélie, Oli. Amélie? Amélie? Amélie? Amélie, quand tu fais l'amour, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Tout le monde a quoi? C'est chaud, c'est chaud, encore. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir, tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir, je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir, je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la nuit car sors de la piste, fais nos grands dégâts de Vanda. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien que. Si tu me parles, rien que. Si tu me touches, rien que. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondinier énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirik ou ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien peu. Si tu me parles, rien peu. Si tu me touches, rien peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Dans deux minutes, on sera de retour. On verra qui va gagner l'iPhone 7 et le jeu FIFA 9018. Et dans un instant aussi, on sera le concours du Hat Challenge. Une pelle, un casque de chantier. Ouais. Et on se mettra dehors. Et on vous pourrait faire des pronostics. Ouais, je suis incapable de faire. Et on appuie comme ça et le casque doit le prendre sur la tête. Ça sent les boss. Ouais. Ouais. Ah ouais, ça. Oh, ouais, oh, ça, je vais le dire direct. On est mal d'avance. On va se faire mal. Allez, à tout de suite. Et votre réveil, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Coralie ? Oui ? Tu es vendeuse en bijouterie. C'est ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui arrive pour essayer les bagues en mariage et en fait il revient après et il dit bah je ne me marie plus. Alors non, mais c'est arrivé peut-être un mois après le mariage, que le mariage n'est pas tenu et du coup elle voulait faire acheter ses alliances. Ah, oh, et ça marche ou pas ? Non, non, non, on peut pas les racheter, on fait pas de rachat donc. Oh merde, faut aller sur le bon coin. Hein. Ouais. Vend bagues de mariage très peu servi. Cause j'ai trouvé mieux. Rendez-vous demain, 6h-9h30, sur Énergie. Oh, oh, oh.